Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM, Lee John of Imagination. You're listening to Illusion. Eh bien le bonsoir à tous et on démarre avec un morceau funk évidemment du groupe Imagination et pour vous annoncer que vous êtes bien dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Je suis là parce que je n'étais pas là la semaine dernière et vous étiez bien content, bande de salauds. Ben, maintenant je suis là, je garde le micro. J'ai vu passer un message du style « Oh, bah, Harry n'est pas là ce soir, bah, ça tombe bien, on va faire une super émission. » Hein, Sherlock, pour ne pas le nommer. Oui. Bah ouais, c'était pour cause de... De tout. De tout. Non, mais j'avais une toux, c'est vrai, une toux terrible, c'était impossible. Ah, on a compris une tourista, nous. C'est ça. Elle n'a pas du tout. Non, j'avais compris, c'était une... Tourista générale. J'ai pas entendu, je veux pas l'entendre. Voilà, tourista générale. Bon, allez, ce soir, avant de démarrer l'émission, on fait un petit coucou à Canon, qui ne sera pas parmi nous pendant quelques semaines pour des raisons professionnelles. Il a pas mal de choses à faire et puis il n'est pas dans la région, donc il va bouger un peu. Donc là aussi, on va avoir des super émissions pendant quelques semaines. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc si tu nous écoutes, on te salue au passage, bien évidemment. Mais le gros de l'équipe est là. C'est sympa, merde. Gros... Putain, c'est sympa pour Flipkat. Nous sommes avec Sherlock. Ouais, j'allais dire. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va? Très bien, et toi? Bah ouais, ça va. Bah écoute, je me venge par rapport au message. Bah oui, bah forcément. La semaine dernière, donc voilà. Allez, un partout. Hein. Ouais, la balle au centre. Voilà, absolument. Donc, soit ce soir, évidemment, 21h, Rétro Ciné 80. C'est ça, ouais. Un film de quelle année? Je sais pas, j'ai même pas tout sorti, mais ça va faire. Attends. Il est à peine. Bon, bah, il va falloir meubler hein, pendant ce temps-là. Donc, il y aura aussi donc à 22h les sorties Cinoche, bien évidemment. Donc, bien France sûr. Et Belgique. Oui. Donc, alors, le, ciné 80, le film, c'est de 86. 86, oui. Ok. Et bah, t'aimes bien cette année-là parce que j'ai l'impression que c'est souvent des films des années 80. Enfin, des années 80, ouais, souvent. Non, de 1986, quoi. Ouais, bah, après, ça dépend. Il y a des années qui sont plus prolifiques que d'autres. Hein. Oula. C'est vrai. Oh, t'as vu ça bien. Prolifique. Ah, bah, ouais, mais attends, depuis qu'il regarde Question pour un champion, hein, je veux dire. Je deviens culturé. Ben, absolument. Donc eh ben, écoute, oui, ce sera tout à l'heure. Il y aura aussi également ben, avec nous, il est là, notre ami Flipkat, la oui. Banane de RQC. Et oui. La plus belle banane de RQC. Merci. Voilà. Et ben, il y en a qu'une. En même temps, ouais. C'est la plus belle, bien sûr. Ouais, et on parle des cheveux, on est d'accord. Hein. Ah oui, mais moi, tout à fait d'accord. Ah d'accord. Belle chronique ce soir, 21h30. Ouais, ben écoute, j'ai repêché dans les anciennes chroniques parce que j'étais un peu près au dépourvu. Des mésaventures, mais enfin c'est pas grave, ce non, sera non, avec plaisir c'est pas des que. Des mésaventures, c'était un très dur week-end, arrête tes bêtises. Oh, oh. Bah, il va falloir que tu me racontes, je pense que t'as vécu des choses ce week-end. Ah, moi aussi, sur moi aussi. Toi aussi ah, oui. Oh, ouais, yeah. Moi aussi. Ouais, bah je vous raconterai. D'accord. Bon, non, bah, je vais faire une petite chronique sur les Clash. Ah, bien. Enfin, je refais une petite chronique sur les Clash. Est-ce que tu vas rester ou est-ce que tu vas partir? Je vais rester ou je vais go, I don't know. On verra bien, on verra. Mais ça, c'est à 21h30, évidemment. Vous avez reconnu cette belle voix douce et féminine qui vous rappelle un peu le côté Joséphine, hein. C'est ça, ouais. Le gardien, n'est-ce pas? Et bien sûr, c'est Onissa. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va? Ça va bien, je suis naze. Ouais, t'es fatiguée, bah ouais, en gros, je suis pas seule grosse semaine. Ah, si, ouais. Ouais, mais moi, c'est pas parce que je suis sortie, hein, Flipkat. Parce que madame, elle bosse ouais, dans un magasin non loin aussi, d'ici, bosse, d'ailleurs. Puis, ben, je remets ça mercredi, demain. Ouais, mais toi, tu bosses que le mercredi, moi, j'ai bossé longtemps. Mais non, je bosse pas que le mercredi. Hey, t'as quand même il bosse le mercredi, hein. Il est crevé toute la semaine. Ouais, voilà. C'est ça. Mais non, je dis, je remets ça mercredi pour les sorties, même après le boulot, ça m'empêche pas. Bah oui, mais c'est ça, le problème, c'est que tu bosses pas beaucoup, donc tu peux sortir. Je ne dirai rien. Règlement de compte à OK Coral, évidemment. Bon, d'ici quelques instants, juste après la coupure musicale, on aura le plaisir de recevoir Marjorie. Bonsoir. Vous me rappelez de Marjorie. Ah bah dis bonsoir. Oh bah, voilà. On a dit après la chronique. Je lui ai dit qu'elle parle pas. Tu vois, ouais, mais c'est elle ça. Parle. Ah là, c'est plus fort, hein, c'est Marjorie. Mais c'est pas grave, justement, Marjorie qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Marjorie. Ah bah, ouais, maintenant, elle veut plus parler. Je vexé. Je boude. Mais vous inquiétez pas, ouais. Elle va se rattraper d'ici quelques minutes parce que Marjorie nous revient de ce fameux défi extrême. Elle va nous en parler dans des conditions extrêmes, comme son nom l'indique. Il va pas recommencer. Qu'est-ce qu'il y a encore mis ça? Recommencer quoi? Le défi extrême, ben, dans des conditions extrêmes, bien sûr. Essayez de moquer déjà. Heureusement, Onissa est fatiguée et elle partira plus tôt. Eh oui. Donc voilà, donc effectivement, je vous rappelle que Marjorie, nous l'avions reçue il y a quelques semaines donc, dans les studios pour nous parler évidemment donc, de plusieurs associations qui lui tiennent à cœur et notamment un défi extrême qu'elle a fait à Fort-Remeu où il y a eu plusieurs étapes, plusieurs... alors il y a eu une... Bah, tu nous raconteras tout ça juste après. Elle veut plus parler maintenant du coup. Tu veux vexer. Bah non, je vais pas vexer Marjorie maintenant depuis le temps qu'on se connaît. Ça fait au moins un mois, donc forcément. Au moins. Et plein de choses, et elle fait encore plein de choses évidemment, parce qu'on parlera aussi de Godspell for Life, c'est ça, hein. Également, qui tourne encore, je pense. On a eu fini le dernier concert là. T'as vu que tu parles. Ah, je suis polie. Ouais, et pas devant n'importe qui le dernier concert en plus, j'ai vu. Hein. Oui, visiblement, il y avait du beau monde. Mais ça, on va en parler juste après ça, c'est-à-dire la coupure musicale, celle que Sherlock nous a préparée avec amour. Oui, bien sûr, avec Fox the Fox et Precious Little Diamond. J'adore. Ah ouais. Et ensuite avec Jimmy Somerville et June Miles Kingston et Comment te dire adieu. C'est dédicace pour Canon. Ah, ouais. Comment te dire adieu, peut-être avec cette chanson. Parce qu'il était bien finalement dans l'émission. Hein, C'est vrai, mais bon, pour l'instant, on ne se rend pas encore compte qu'il nous manque. Ouais, c'est ça. Donc, appel à candidature. Donc, voilà, nous recherchons une voix féminine. Ah non, moi, je ne veux pas de concurrence. Mais personne ne pourra t'égaler. Ah ouais, ça, personne. Enfin, à part en grandeur, quoi. Au-dessus d'un mètre 45, ils peuvent. Oui, voilà, oui, c'est vrai. En longueur ou en largeur. Format rase moquette. Un petit pibousse. Rase moquette, n'importe quoi. Allez, bon, on se retrouve tout de suite après. Et encore, j'ai pas dit format parfum, j'étais sympa. Ouais, voilà. Allez, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Bonjour, c'est Sabine Paturel et vous êtes sur RQC et c'est 80 à l'heure. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Et comme t'étais toujours pas là. Oui, bonsoir, vous êtes toujours sur RQC, c'est toujours l'émission 80 à l'heure, et donc vous êtes revenu à l'antenne. Alors il y a Onissa qui nous croit pas quand je dis on revient. Ah bon, c'est vrai, on revient à l'antenne. Eh ben oui, c'est ça. Oui, Onissa. D'ailleurs, j'ai même envie de dire reprendre les paroles de Sabine Paturel en disant et j'ai bu tout le Fanta. Bah non, j'ai pas eu le temps. T'as même pas eu le temps de boire ton petit Fanta, mon petit Onissa. Vraiment trop injuste. Oh, t'inquiète, t'auras le temps pour la prochaine coupure musicale, c'est promis. On vous en a parlé juste avant, dans le sommaire. Et d'ailleurs, elle a parlé parce qu'elle n'a pas pu s'en empêcher. On lui a dit non, surtout tu ne dis rien, mais elle a parlé quand même. Mais tant mieux, ça nous fait plaisir. Elle est avec nous. Elle nous vient donc d'un périple quand même assez impressionnant et assez sportif, puisqu'elle nous a fait un défi extrême du côté de Fort-Remeux. Exactement, mais j'étais pas seule. Donc on a fait un défi extrême. On était à plusieurs champions et puis donc dont un présent ici ce soir. Ah bon, vous n'étiez pas au courant. Ah, d'accord. Donc Joy était de la partie pour le défi. Donc il a supporté nos pompes chronoises, il m'a un peu aidé dans les galères, donc dans les chutes, enfin les batailles de neige quand même, on en a fait. J'en ai mangé une bonne dans la tête. Heureusement qu'Anna n'est pas là. Hein. Mais je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être un peu plus douce. Hein. Voilà, donc tu t'en es pris une bonne dans la tête, ouais. Des boules de neige. Non, mais on a bien compris. Hein. C'est bien. C'est une histoire de boules, quoi. Alors, mais on rappelle que tu es Marjorie, parce qu'effectivement, maintenant, Marjorie Desmulliers. Deux. Oui, vous êtes que deux. Marjorie Desmulliers, on rappelle quand même un peu l'historique parce que c'est important pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore aujourd'hui. Tu as un handicap. Ouais, voilà, je suis handicapée parce qu'il faut le dire, il faut rester réaliste et puis pas se voiler la face tout simplement. J'ai une paralysie complète de la jambe droite et puis j'ai été contactée par Stéphane Carreto qui est le président de l'association Rêve d'Ange et puis j'ai Angie qui est présidente de l'association Rêve d'Ange qui est également présente ce soir. À qui on donnera la parole d'ailleurs, bien sûr. Oui, bien sûr. Présentera l'association, bonjour. Évidemment. Donc voilà, il m'a contacté en juin dernier pour participer à ce défi extrême au profit des associations donc Rêve d'Ange là-bas. Et je suis allée. Donc j'ai dit, ok, je vais faire ton défi, mais j'aimerais pouvoir porter les couleurs quand même aux chronoises parce que c'est quand même une Belge qui se pointe là-bas en France. Bien sûr. Puis moi j'ai des associations qui me tiennent à cœur. Donc il y avait Chiara, Don Organe, Don de Vie, il y avait L'Enfant, il y avait Thibault d'Air. Il y avait un rêve, une étoile, tout est possible, et puis Gospel Son de Musique. Et puis je suis allée là, il y a pile une semaine. Ouais, on a décollé à trois mots chronois là-bas pour Fort-Remeux, et c'était juste intense, émotionnellement immense. J'en suis pas ressortie indemne. Dans le sens où. Mais dans le côté positif, dans le sens où mon cœur, il a explosé de joie et d'amour encore plus. Où j'ai pleuré plus d'une fois en serrant ses enfants dans mes bras. Ouais. Enfin, j'ai pas été la seule. Plusieurs champions ont versé des larmes parce que ces gamins, ils sont bien plus forts que moi. Ils sont humbles, ils sont purs, ils sont forts. Et ce défi extrême pour eux, c'est tous les jours. C'est pas juste la montagne, l'ascension, l'escalade ou quoi que ce soit. C'est tous les jours, 1000. Parce qu'ils doivent encaisser ces soins. Mais ils le font avec une force inouïe, avec un sourire. Parce qu'ils ont participé aussi au défi. On les a rencontrés le vendredi soir. Donc il y avait une boum d'organiser pour eux. Ah, avec des frais tagada et du banga. Le banga, ça n'existe plus. C'était vraiment super sympa parce qu'ils ne s'attendaient pas à nous voir du tout. Donc nous, on est arrivé vraiment la surprise. Ils dansaient, les gamins. Ils étaient vivants. Et je pense que pour une fois, ils se sentaient en vie. Et pas dans un milieu aseptisé, médical, avec des infirmiers, des thérapeutes, etc. Ils étaient avec leur famille. Il y avait des gamins qui avaient des costumes, d'autres qui étaient un peu maquillés. Ils étaient là à faire des selfies, des photos, et c'était juste immense. On a dansé, on a chanté, on a joué avec eux, et on a fait les grands gamins. Et c'était bon. Ah ouais, ça fait du bien, ça. C'était bon, Et ils vous ont donné des leçons d'adultes. Ils nous ont donné des leçons de vie. D'adultes, peut-être aussi. Comme jamais j'en ai reçu. Les plus grands diplomates et les plus grands politiciens, ce sont les enfants. Parce que juste avec un regard, ils te font comprendre l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ça, c'est la vie. Il n'y a pas de baratin, il n'y a pas de papier. Ils parlent avec leur cœur, et là, t'as tout compris. Que les bureaucrates viennent 5 minutes les voir. Ah ouais, non, ne parlons pas de politique. Ah ouais. Non, les chiffres rouges, il y a au passage. Non, mais c'est juste pour te dire, Stéphane. Non, mais bien sûr. C'est super important. Je pense qu'il faudrait tous et toutes qu'un jour, on se retrouve dans cette situation-là, de pouvoir offrir à un enfant le sourire. Et moi, je suis plus que fière d'avoir été contactée et fière d'avoir pu réaliser ce défi. Donc ouais, le défi, il était fun. Alors rappelle-nous le défi, voilà. Parce qu'il y avait donc... Alors à l'origine, il y avait quatre étapes. Il y avait l'ascension, il y avait le canyoning, le rappel et l'apnée. Ouais, et mais l'apnée t'as pas pu on n'a pas pu la faire pour des raisons de sécurité, tout simplement, mais qui n'est juste que reportée au mois de mars. D'accord. Bon, donc voilà. NJ est au courant, donc elle nous en a parlé. Il y a Onissa qui se fout de moi, elle est en train de rigoler. Je ne sais pas pourquoi. Justement, la semaine dernière, voilà, ça m'est revenu. Je vais rappeler un petit peu. La semaine dernière, je suivais un petit peu ce que Marjorie faisait par rapport à Facebook, et elle avait noté qu'elle n'avait pas pu faire donc le défi d'apnée sous la glace parce qu'il n'y avait pas assez de glace. Mais moi, j'étais resté là-dessus. Donc je dis voilà, elle n'a pas pu faire l'apnée sous la glace parce qu'il n'y avait pas assez de glace. Et ils se sont tous foutus de moi parce qu'ils se sont dit voilà, il n'y a pas assez de glace. Alors ils le font pas, mais en fait c'est parce qu'il y a un truc derrière et Marjorie va nous l'expliquer. Maintenant l'explication c'est quand même un peu plus clair. Mais ce que je propose justement Marjorie, c'est qu'on puisse découper cette interview. Chaque étape. Ouais, la bien première sûr. Étape c'était l'ascension. Non, la première étape c'est que je me lève d'abord. Wow. Elle se lève, elle va et faire pipi. Elle te bouscule et tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Là tu m'as tendu la perche, excuse-moi. Oh là, Canon n'est pas là pourtant. Non, voilà, on a décollé là, donc Laurent, Joy, moi de Charleroi, voilà. Ouais. Pour Font-Romeu, donc là une navette est venue nous récupérer. Pour nous emmener donc sur Font-Romeu. Donc là, on a découvert un peu les paysages. Alors rappelle-nous un peu, parce que Font-Romeu, évidemment, peut-être pour nos amis belges, on ne sait pas trop où ça se trouve. Alors Font-Romeu, c'est juste à côté d'Andorre. C'est près, pour ceux qui veulent situer, en gros, c'est ça. Quoi. Dans les Pyrénées, ça. Ouais, c'est ça, c'est dans les Pyrénées. D'accord. Pyrénées orientales, alors. À 10 minutes de l'Espagne. Pyrénées orientales, ouais. Voilà. Et on est arrivé là, donc c'est sûr que les paysages, c'est franchement autre chose de ce qu'on voit d'habitude. L'air est totalement différent. Donc déjà là, il faut s'adapter. Ouais, c'est pas le bon plan plus, ça, c'est clair. C'est bien haut. Oui, de toute façon, en plus, on montait en voiture, donc on se sentait déjà un peu pris, quoi, mais bon, je pense qu'il a fallu s'adapter. Donc là, l'accueil, on a rencontré tous les champions. Alors, c'était qui les champions? Parce que quand tu parles de champions... Il y avait Jamel, maintenant, c'est plus des copains, c'est une famille. Ah, j'ai peur, ce coup. C'est des amis, et c'est une famille, et on est tous... Il y avait qui, par exemple, en champion de quoi? Il y avait Joy, qui est champion de karaté, qui est présent, si je me trompe. Qui est avec nous, alors? Voilà, qui est présent. Champion d'Europe, je pense, de karaté. Donc on va être sympa avec lui, hein. Sinon, il va nous faire un mawashigiri. On le voit plus de la même façon depuis 5 secondes. Oui, c'est vrai. D'un coup, je vais pas me moquer de lui. Il y avait Laurent, son papa, qui est également champion de karaté. Waouh, dis donc, quelle famille. Il y avait un champion d'Europe de Muay Thai. Donc ça, c'est... De quoi? De Muay Thai, c'est la boxe. C'est de l'art martial également. D'accord. On ne me demande pas comment ça se fait. J'en ai aucune idée. Il y avait Jamel qui est champion de boxe, si je ne me trompe pas. Il y avait Afid qui était champion. Afid Diati, Rachid. Pardon ? Troisième au championnat du monde. Ouais, troisième au championnat du monde. Donc moi, je ne connais pas encore toutes leurs ceintures. Je porte déjà la mienne, c'est déjà pas mal. Ouais. Il y avait Afif. Voilà, il y avait Afif qui était 6 fois champion de monde boxe. Du monde ? Du monde. Ah ouais, d'accord. Donc il vaut mieux l'avoir comme copain, lui. Ouais, c'est ça, ouais. Ceci, ouais. Ou pas le connaître. Ouais, voilà. Il y avait une gamine Inès qui a 16 ans, qui est à Muco, qui est également vice-championne pour les qualifications de France en handisport en boxe. Non. En boxe. Non, en sport tout court. Alors, elle a quoi comme maladie? La mucoviscidose. Et elle fait de la boxe. Ouais. Wow. C'est énorme. Et elle est qualifiée pour les France, là. Ah ouais, joli. Donc, c'est un mois et demi. D'accord. Mais dis donc. Donc je veux dire, c'était franchement une top équipe. Donc voilà, Stéphane Carreto, il nous a donné une bonne brochette d'amis. Et on a redécouvert une famille en partant. Donc beaucoup d'émotions forcément. Donc voilà, le samedi, on part pour l'ascension et on rencontre le guide de montagne. Quand il me voit arriver avec les béquilles, il me dit, vous allez réellement grimper? Ouais. Mais il dit, j'ai mes crampons et j'y vais, quoi. Donc c'est vrai que les premiers 100 mètres, c'était un peu compliqué, j'avoue. Ouais, je me doute. Il y a des fameuses marches qui mesuraient bien 40-50 cm, donc il faut les enjamber chaque fois. Mm-hmm. Même pour quelqu'un de valide, entre nous, c'est déjà pas évident. Voilà, quoi, ouais. Puis il faut démarrer. Donc il y a un moment, une fois qu'on a dépassé le seuil de la douleur, on passe au mental et on oublie. Et puis on voit les paysages, donc on oublie. Et puis on pense surtout aux gamins et à la promesse qu'on a faite. Et c'est vrai qu'on a bien rigolé. Et puis j'ai une bonne paire de gamelles mémorables. Où j'étais la seule à rire, mais bon, après. Est-ce qu'elles ont été filmées ou pas? Les gamelles ont été photographiées, c'est mieux. Enfin, c'est juste les poses qui sont un peu. Parce qu'on peut gagner de l'argent chez Vidéogag, donc. Je vais sponsoriser la radio. Ouais, voilà. Non, mais voilà, ça fait partie du jeu. En même temps, je ne suis pas la seule à avoir dérapé parce que c'est quand même de la glace qui est au sol. C'est un terrain où moi, je n'ai pas l'habitude de marcher. Mes crampons, ils ont tenu l'espace d'un week-end, ils sont morts, ils sont pour la poubelle, ils n'existent plus. Ah, ah bah ouais. Je me doute. Et alors, et l'ascension, plus de 2000 mètres, c'est ça? Voilà, hein, donc on a grimpé et c'est sûr que ça a été intense. Parce que y a des fois ça passait bien, et puis il y a des fois mes bébés qui restaient plantés dans la neige, et puis moi je tombais parce que c'était trop profond. Ah ouais? Eh oui. Mais c'est pas grave, ça m'a fait rire. On a fait les anges de neige avec. Je trouve ça très rigolo. T'as fait la reine des neiges? Mais sur une jambe seulement, parce qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne. Ah oui, non, oui, c'est pas comme ça. Hein. Tu te mets dans la neige et tu fais ça. Bah, c'est tu battes. Alors il va falloir que tu l'expliqueras, c'est pas radiophonique hein, ce que ouais, t'es en train de raconter au Nissan. Moi c'est faire le papillon quoi en fait. Tu te couches sur la neige, puis tu ouvres tes bras et tes jambes. Oui, tu et tu nages en fait dans la neige. Ouais, tu bats des bras et des jambes en fait pour faire une forme de papillon ou d'ange quoi. Dans la neige. Exactement. Donc je suis un ange à mi-temps, j'ai qu'une jambe qui a pu bouger. C'est un ange migrateur. Voilà. Donc voilà, et puis à un moment, Stéphane qui était présent quand même sur les défis a fait arrêter tout le monde. Il m'a dit, Marjo, maintenant tu fais les derniers mètres. Wow. Au bout de combien de temps est-ce que parce que l'ascension de 2000 mètres Quelques heures quand même, hein, je t'avoue que j'ai le cœur qui battait bien. Qu'est-ce que, quand tu dis quelques heures, c'est 2, 3, 4, 5 Presque 3, 4. On a mis faut combien de temps? Je ne sais plus combien, je ne me souviens plus, on a mis pour grimper quelques heures quand même. 2 heures, 3. Ouais, voilà. Ouais, après 3 heures quoi, facile, ouais. Mais il faut y aller, quoi, parce que normalement, c'est quand même assez abrupt, et c'est pas grave, on l'a fait. Donc, il me demande d'avancer, et j'ai dit, ok. Et là, je me dis, je vais jouer à la forte, à la grande, même pas peur, quoi. Et j'y vais, parce que je veux casser la baraque à tout le monde, sûr de ce que je vais dire. Et puis, j'arrive, je grimpe les quinzaines de mètres. C'est pas deux karatéka, un boxeur, une boxeuse qui vont me faire peur. Vas-y, moi, j'y vais. Hein. Ouais. Donc, et je approchais. Donc il y avait examen Xavier Tatania qui sont des people qui bossent aussi sur des télés, sur sur des médias. Puis je suis avancée là et j'ai ressorti mon drapeau. Oui, on l'a vu, on le voit sur Facebook, plein d'émotions. Très symbolique. Et puis j'avais déjà en tête tout un baratin à sortir, enfin pas un baratin dans le sens où. Ouais. T'avais prévu tout un speech. Mais la spontanéité a voulu que non, t'as pas réussi. Parce que je voulais dire le nom des associations, je voulais parler des gamins. Et de nous. Mais de tout le monde, et surtout, je pense que j'ai pensé à beaucoup de personnes, à mes enfants également. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et en fait, j'ai développé le drapeau, et puis en fait, j'ai vu le parcours qu'on avait fait ensemble. Ouais. Et je pensais aux gamins qui étaient en bas, qu'on avait vu la veille. Et j'ai voulu parler, rien n'est impossible à celui qui croit, c'est certain. Et je sens l'émotion monter. Oui, mais on le voit et aussi, cette vidéo. Et je dis, non, je vais chialer. Non, je peux pas, si, c'est trop tard, quoi. Mais voilà. J'ai pu placer deux mots, pourtant je suis une bavarde, mais sur ce coup-là, je me suis fait choper moi-même par ma propre émotion. Parfois, les mots ne disent rien. Non. Il faut juste laisser parler son cœur. Et je pense que sur ce coup-là, il a bien parlé. Et je ne regrette pas d'avoir pleuré finalement. Ah, mais papa, il ne faut pas. Mais, et d'ailleurs, on peut le voir sur Facebook. Hein, il y a cette vidéo qui tourne et on la voit où tu es au sommet. Alors, c'était quoi? C'était un nom particulier, cette montagne ou, Je ne connais rien là-bas. Tu sais, moi, je ne sais pas le nom. Je sais pas leur nom. Ils ont 40 noms, ces montagnes. Oui, voilà. Ouais. Je me peut-être qu'elle va s'appeler la montagne Marjorie. Non, du tout. Je pense qu'il faudrait l'appeler le nom de tous les enfants. Mais je ne suis pas la seule à être grimpée. Je veux que. Ce n'est pas Marjorie qui est allée au sommet, c'est toute une équipe. Bien sûr. Une équipe. C'est Rêve d'Ange, c'est Font-Remeux, c'est les enfants, c'est tous les champions, c'est les personnes qui nous ont soutenus. Enfin. C'est pas juste moi, parce que ce serait franchement égoïste et hypocrite, et je vais pas porter la médaille toute seule. La médaille, il faut qu'on la porte ensemble, et limite, on la partage. Oui, et, c'est ça qui est beau, en fait. Hein, quand tu moi, fais ça, je sais que j'ai donné ma parole avant de partir, que je savais que j'allais réussir. Je le savais, je le sentais au fond de mon cœur. Ma parole, je l'ai tenue. Et donc voilà, et le soir même, j'ai le Rotary Club qui doutait un peu, je pense. Disant, elle fera pas. Et le soir, il me contacte pour me dire, on va t'offrir un chèque de 250 euros. Ah bah c'est bien. Donc je me dis, rien n'est impossible. Tu nous parleras des fonds que tu as réussi à récolter pour ces associations, bien évidemment. Okay. Ce que je te propose, on a parlé de l'ascension, on en reparlera évidemment. Il y a eu une deuxième étape qui était le canyoning, qui ne devait pas être facile non plus. Ah, c'est tout bon, ça. C'est certainement bon. Mais peut-être pas aussi bon que la musique que Sherlock va nous proposer. Eh oui, alors on va se retrouver juste après le titre « I'm specialized in you » des Time Bandits. Merci Sherlock, j'adore. Mais je t'en prie. Ah oui, j'adore. Et juste après Alan Parsons Project avec « Eye in the Sky » parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, hein, monsieur Alan Parsons. Ah ouais, ok. Eh ben, bon anniversaire. Et on l'embrasse au passage, hein, bien entendu. Bien sûr. Allez, pas l'anniversaire de sa mort parce que... Non. Il est né en 1948. Il est né en 1948, Alan Parsons. D'accord. Ouais, mais il pourrait être mort quand même, hein. Ouais, mais non. Non, il y a encore vivant. Bah, regarde, on dit ça, même année. Non, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai. Bah, aujourd'hui, je suis mort vivant, plutôt. Alors, par contre, cette semaine, malheureusement, j'ai appris la mort d'un acteur que je pense tous ceux qui connaissent les années 80 ont vu. Ouais, c'était dans Quoi de Neuf Docteur. Ah. La série Quoi de Neuf Docteur, c'est Alan Thicke, qui est le papa de Robin Thicke, qui a fait une chanson il n'y a pas très longtemps. Hein. Ah bon, c'est son père. Ouais, c'est son père, ouais. Et c'est le papa, c'était le docteur dans la série, il est décédé. Il avait 69 ans, il était en train de jouer au hockey sur glace avec son fils, et il a été pris d'une crise cardiaque. Et, ils n'ont rien pu faire, quoi, voilà. Okay. Donc 69 ans, il est décédé. C'est quand même un paradoxe, alors qu'il jouait dans le rôle d'un docteur, vrai. Quoi. C'est vrai. Oui, il faisait que le rôle. Hein. C'était plus un psy dans la série. Ah oui, c'est c'était vrai. C'était plus un psychologue. Voilà. Bon. Mais trêve de blabla. Trop de blabla. Tu le blabla. Donc, juste après les Time Bandits et Alan Parsons Project, on revient avec vous pour suivre les péripéties de Marjorie. Marjorie, Time Bandits, je suis sûr que tu connais. Pardon ? Je suis sûr que Time Bandits, tu connais. Mais évidemment. Mais oui. Non, mais quand tu vas l'entendre, tu vas te dire, mais oui, qu'est-ce que j'ai pu danser là-dessus ? Évidemment, surtout sur la jambe gauche. Allez, c'est parti. Breaking up so easy to say. Salut, c'est partenaire. Salut, c'est particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Eh oui, vous êtes toujours sur RQC 95 FM, 95 FM, dans l'émission 80 à l'heure, où on retrouve Harry, Onissa, Flipkat, alors Canon n'est pas là aujourd'hui, et on retrouve surtout Marjorie Demulier, qui nous raconte un petit peu son périple tout au long de ce défi extrême qu'elle a fait à Font-Romeu. Alors là, on parlait justement de son ascension. Alors, moi, je voulais savoir... Alors, c'était un jeudi? C'était un jeudi, non, c'est non, pas c'était pas le jeudi de l'ascension, non. Oh là là. Mais alors, ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale. Tu l'aurais faite. Oui, j'avoue. Non, mais ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la solidarité humaine. Oh, c'est bien ça. Ah, mais tous les jours, c'est la journée internationale de quelque chose, en fait. Ouais, je pense, ouais. C'est la solidarité humaine. Ouais, ça veut dire quoi, solidarité humaine? Parce que moi, je veux bien. Puisque je connais pas la solidarité canine, enfin. Non mais bon. C'est la journée de la solidarité. Pourquoi humaine? Tendez la main à votre voisin. Mais bon. Tu donnes déjà ce que tu aimerais recevoir, voilà. Oui, oui, non, mais pourquoi on définit humaine? C'est ça. Peut-être parce qu'il y a philosophique, parce qu'il y a... de comprendre. Mais non, mais il y a peut-être une journée de solidarité envers les animaux. Mm-hmm. Tu vois? Voilà. Et Flipka, tu vois. En même temps, si tu donnes des croquettes à un homme. C'est bon les croquettes? Pas les croquettes aux crevettes, c'est bon. Moi j'ai déjà goûté les friskies. Mais par contre, c'est Joy qui pourra te dire qu'il peut lui mettre la pâtée. Exactement. Alors Joy, on rappelle. Fais gaffe parce qu'il va se lever, il va t'en mettre une. Tu vas rien comprendre. Là, ça va être à cassouler. Alors Marjorie, évidemment, tu nous parlais tout à l'heure donc de l'ascension, plus de 2000 mètres quand même du côté de Font-Romeu. Mm-hmm. C'est quand même pas évident, évidemment. Alors t'as pas fait que ça, parce qu'effectivement, madame ne fait pas que ça. Bah non, évidemment, il fallait qu'elle fasse aussi du canyoning. Ouais, voilà, mais je voulais juste préciser également, donc quand on était là-haut, donc on est à plusieurs champions, forcément, enfin ils sont champions. Je suis championne de la vaisselle, je l'ai toujours précisé. Mm-hmm. Chaque personne portait les couleurs d'un enfant ou d'une association en particulier. Donc, NG qui est à côté de moi pourrait peut-être plus détailler le nom des associations, etc. Rêve d'ange, présidente de Rêve d'ange. Donc, moi j'avais les 5 associations moucronoises et je portais les couleurs de Lily sur mon dos. Donc, et puis il y avait les suivantes, NG qui pourra dire. Bah, parlons-en, tiens, justement, NG. Bonsoir, NG. NG. Peux-tu nous parler donc de Rêve d'ange? Approche-toi du micro, hein, si tu veux bien. Alors Rêve d'ange, c'est quoi la vocation donc de l'association? de faire rêver les enfants malades, de les aider aussi pour tout ce qui est soins, les aider dans la vie quotidienne. On a pas mal d'enfants, voilà. On a aidé quelques associations aussi, quand on a pu. Ce sont des enfants qui sont gravement malades, leucémie, tumeur au cerveau, souvent, Ah, en fin de vie. Ça arrive aussi, hein. Il y en a qui ont des maladies incurables. Je citerai pas forcément les noms, mais on a plusieurs enfants qui ont des maladies incurables. Et donc, on est là pour les faire rêver, leur donner le sourire. Ouais, et vous faites quoi alors pour les faire rêver? Dites-nous. Eh ben, on fait quoi? Eh ben, on fait ce qu'ils souhaitent. Un exemple, voilà. Un exemple, on avait des enfants qui voulaient voir Kenji. Par exemple, Steph Carreto a ramené Kenji, Kenji Girac. Et alors Et alors, c'était super. C'était super. Non, mais enfin, le voir en vrai ou Le voir en vrai, oui, passer 2 heures avec, en loge. Et il a accepté? Ah, bien sûr, Kenji est quelqu'un de formidable. Ouais, il a le cœur sous la main. C'est quelqu'un Et sur la guitare aussi, mais c'est sa langue à la fourchée. Bah, il est vrai que l'hormone du plaisir chez un enfant ou un adulte, hein, chez une personne malade, hein, faut oublier la douleur, faut oublier la maladie. C'est clair. Donc peu importe le temps que ça dure, mais c'est toujours un moment gagné. C'est juste une question un peu pratico-pratique, mais comment aujourd'hui on organise une rencontre entre un artiste comme Kenji Girac, qui n'est certainement pas accessible comme d'autres artistes, et une association Rêve d'Ange? Comment ça se passe? C'est toi qui fais l'interlocutrice, qui est l'entremetteuse? C'est surtout Steph, voilà, Steph avec son carnet d'adresses. Nous deux, on mélange nos carnets d'adresses. Et puis, chaque enfant, chaque star qu'il a envie de rencontrer, bon, après, c'est vrai que chaque artiste n'est pas forcément toujours touché par ses causes. Oui, bien sûr. Ou faussement touché par certaines associations, et on terrera les noms, évidemment. Oui, bien sûr, il y en a aussi, hein, effectivement. Kenji, on a l'habitude. Hein. Kenji, c'est quelqu'un de très touché par cette cause-là. Il est fort famille. Et... Voilà. Il faut savoir, il y a de plus en plus d'enfants malades. Moi, sincèrement, j'aime pas Kenji Girac. Ce qu'il fait, mais par contre, j'aime beaucoup l'homme. C'est quelqu'un d'humain, oui. Certainement. Il est quelqu'un de très simple. Il est exactement pareil. D'accord. Il est exactement pareil en réalité avec les enfants. On le laisse, il joue avec eux. C'est pas quelqu'un qui joue. Il triche pas. Si un jour leur rêve c'est de venir dans les studios de RQC, surtout te gêne pas. Bien sûr, pourquoi pas. Si ils ont envie de rencontrer Sherlock, ça c'est moins sûr. Ou Flipkat, s'ils sont fans des Forbans, surtout n'hésite pas. J'avais raison, pas une émission sans les Forbans. Jusqu'où? Non mais sincèrement, là j'ouvre une parenthèse, mais si nous, à notre niveau, on peut faire certaines choses, je pense même peut-être avec d'autres artistes. Alors évidemment, j'imagine que ce sont des enfants très jeunes, donc c'est plutôt des artistes d'aujourd'hui, mais avec des artistes des années 80, on a quand même pas mal de contacts, des artistes qu'on peut joindre facilement, et voilà, donc ça c'est aussi des choses qu'on peut faire. Chaque personne en fait peut faire quelque chose à son niveau, et petit à petit une personne et d'une personne et petit à petit on fait des belles choses. Bien sûr. Plus on est tous ensemble, plus on peut faire de belles choses. Ensemble on est plus fort. C'est vrai. Chaque, comme on disait, chaque personne pour le Kayonding ou le défi extrême a porté le nom d'un enfant ou d'une association. Voilà, donc il y avait Rachid qui portait l'effet papillon, il y avait Tatiana qui portait Evangeline. Il y avait Monsieur Joy qui portait les enfants de Font-Romeu. Monsieur Joy. Attention. Voilà, Monsieur il y avait Steph qui portait le nom de Maogan, qui est sur l'île d'ailleurs. Et beaucoup d'autres encore. D'accord. C'est beau, c'est bien. Et donc, on va revenir évidemment sur le défi. Donc, toi, tu ne l'as pas fait. Non, moi, j'étais en garde. D'accord. Non, moi, j'avais à charge la petite Inès, qui a 16 ans, qui a la mucoviscidose. Qui est qualifiée pour les France de boxe. Voilà. Donc, je l'avais à charge. Donc, c'était pas simple non plus. Elle n'est pas de Macron. Non, du tout. Elle est de Agen. D'accord. Donc, on ne se connaissait pas du tout. On a sympathisé, du coup, là-bas. Et... Ah oui, c'est des belles rencontres, en fait. Oui, en plus. Ah, c'est des rencontres inoubliables. Voilà. On n'oubliera jamais personne. On est devenus tous une famille. Oui, voilà, c'est ça. C'est quelque chose on vit avec. Quoi. C'est magique. Mais la magie là-dedans, c'est que multiculturel. Ah, parle sur le, voilà. Vers le micro, si tu veux bien. Il n'y avait pas que des Blancs, tu vois. C'était toutes religions confondues. Ah, mais bien sûr. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de barrière. Rien. Il n'y avait pas les cultures, les racines. Rien. On était tous pas dans la même galère. Mais dans le même combat pour les gamins, et on était tous solidaires, tu sais, bah voilà, on enchaîne sur le canyoning, et c'était pas évident, tu sais, l'ascension pour aller là-haut sur la montagne, parce que les crêtes étaient super étroites, il y avait des je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'il y a des moments où t'avais des passages dans le vide? Je me souviens même que, on m'a dit ma jambe droite pendait dans le vide, je m'en étais même pas rendu compte. Ouais, c'est chaud ça. Et parce que je la ressens pas. Mmh. Donc du coup j'ai dit écoutez, on va faire comme MacGyver, on va utiliser les éléments qu'on a dans nos mains pour se mettre en sécurité, et on a utilisé mes béquilles donc pour faire des espèces de barrières improvisées. Donc ma main gauche avait les mains dans les ronces, et ma main droite tenait la béquille que Laurent et Rachid tenaient en extrémité, et moi je m'appuyais dessus, faire de manière une barrière, enfin une rampe. D'accord. Quelque chose. Mais on était tellement solidaires, jamais, je dis bien jamais, je me suis retrouvée seule derrière. Oui, ça, il y avait toujours quelqu'un derrière moi, tout le temps. Laurent me poussait sans que je me rende compte pour éviter que je tombe. Il y avait tout le temps quelqu'un. Une main, une corde qui se tenait, il me tirait à la ceinture. Quand je suis tombée, ils étaient tous là pour me relever. Alors que moi, je rigolais comme une patate. Mais t'es pas tombée des 2000 mètres et t'as pas recommencé quand même. Parce que j'aurais pu, hein. J'aurais pu. Mais je veux dire, on était unis. C'était pas un combat, c'était uni dans l'amour. Et est-ce qu'à un moment pendant l'ascension tu t'es dit non je vais pas y arriver, ou un moment dans l'ascension, est-ce que t'as eu un moment de doute vraiment? C'est pas que j'ai eu des doutes, il y a un moment où j'ai eu très mal dans mon dos et dans mes bras. Oui, c'est ça. Parce que ça tirait quand même pas mal, et que moi j'ai que mes bras pour me déplacer, donc je devais m'appuyer sur les béquilles. Il y a la neige, il y a la terre, il y a les briques et les rochers. Donc le terrain n'était jamais pareil. C'était super délicat, donc même ma jambe gauche qui devait quand même tirer beaucoup, pousser, je me dis waouh quand même. Mais j'ai une parole, je la tiendrai. Donc au-delà de la douleur, après il faut passer au mental. Et la douleur, j'ai tellement dû apprendre à la gérer que finalement j'en ai fait ma force. Et que si j'ai mal, c'est que je suis en vie. Avance, avance, c'était toi. Les gamins derrière, ils comptent sur toi. D'accord. Donc voilà, on est arrivé au sommet, et ce qui était bien marrant, une fois qu'on a vu les cascades et la flotte, là on a commencé à voir le smiley, on s'est dit ça y est, on ne grimpe plus, on va descendre. Et, pour le détail, c'est vrai qu'il faut que tu le redescendes après. Mm-hmm. Ouais, mais ça paraît simple, mais la montée est compliquée, mais la descente... La montée, elle était super compliquée, la descente, mais c'était un pied, quoi, mais pas possible. Enfin, j'ai vraiment pris mon pied sur ce coup-là, donc... Et puis on est tous descendus les uns derrière les autres, donc j'ai d'abord un peu vérifié comment les gaillards s'y prenaient. Ouais, voilà. Donc histoire de jeter un œil, ils sont pas, ouais ça va, ils sont encore vivants, ok j'y vais. Donc là on était atterri devant nous dans une première cuvette qui faisait 60 degrés, donc c'est une eau qui est extrêmement soufrée, donc chaude. 60 degrés. 60 degrés. Ouais, dis, donc tu peux pas mettre tes mains dedans, donc t'as les combinaisons. Hein, donc, Quand t'as fait le canyoning. Ouais. 60 degrés. 60 degrés. Attends, après la suite arrive, elle est beaucoup plus belle. Donc, après t'es cuit, tu fais l'autre face. Voilà. Non mais tu peux demander à Joy. T'arrives à la fin, t'es un bigorneau. Non, même pas. C'est là que c'est très marrant. Mais attends, excuse-moi, mais tu plonges dans de l'eau à 60 degrés. Non, on descend en rappel. On a fait 4 descentes en rappel avec les cascades. Mais comment c'est possible que l'eau soit à 60 degrés? Parce que c'est des soufres, c'est des sources chaudes qui tombent, enfin qui sont là-bas, là-haut, bien chaudes. Donc tes mains, tu peux pas les mettre très longtemps dedans, quoi. Donc on a les combinaisons qui nous protègent, heureusement. Puis les mains, t'évites de les mettre trop longtemps, mais ça faisait du bien encore, parce que ils caillent, semblant de rien, tu sais. Quand on arrive... le choc thermique entre mais voilà, dehors et l'eau. Quand on est arrivé sur le parking pour partir sur le canyoning, il faisait moins 4 degrés. Donc on a dû se changer sur le parking. Donc tu te retrouves en maillot de bain sur un parking à moins 4. Donc tu dis ouf. Ah bah attends, parce que t'as enchaîné. On est arrivé sur le parking, on s'est habillé sur le parking. Après l'ascension. Le lendemain, ouais. Ah, le lendemain, le d'accord. Le lendemain, ouais, ouais. T'as dormi un peu. Ah bah quand même, parce que sinon... Ouais, non, c'est ça, ouais. Puis voilà, on a T'as dû bien dormir, en plus. Je pense pas, hein. T'es dans l'excitation, ouais. Tu sais. T'es tellement fatigué que tu sais pas dormir. Ouais, voilà. Et puis t'es avec tes potes avec toi, et t'as envie de parler. Ouais, d'adrénaline aussi, Et puis mais tu te remémores, quoi. Exactement. Dis, ouais, moi, je sais que la vidéo, je l'ai regardée en boucle au moins 20 fois. Je me dis, mais Marjo, t'aurais dû parler. Enfin, et quand je l'ai regardée, je repleurais. Voilà. Et ma maman qui m'a appelée en me disant, tu vas bien? Ah bah oui, oui, je me doute, bien, mais forcément. Mon frère jumeau qui était, voilà, qui m'a envoyé un message également, qui m'a dit, écoute, petite sœur, je t'aime, tu l'as réussi. Bah ça, ça fait du bien, quoi. Ouais, voilà. C'est des pépites dans ton cœur, quoi. Puis ben voilà, le canyoning, donc on a fait la première descente où l'eau est à 60 degrés, et puis ben on descend, mais l'eau est un peu plus froide. Et puis on descend, et encore. Et puis la dernière descente est à 37 mètres. De chute. De chute, donc on descend en rappel, sur 37 mètres avec les cascades, machin. Donc on ne voit rien, parce que une espèce de brouillard d'eau qui est autour de toi. Il y a le bruit des cascades qui est là présent. Oui. Donc tu n'entends pas ce qui se voit en haut, ni trop ce qui se passe en bas. Donc tu laisses toujours tes potes partir en premier. On sait jamais. Mais c'est le problème, c'est que tu entends un qui descend, que tu entends « Aïe !» merde, je descends pas. Voilà. Apparemment, c'est Joy qui est passé en premier, c'est ça? Ouais, ouais, mais Joy, voilà, je sais qu'il m'a dit « Vas-y Marjo, mais fais gaffe ta jambe !» Parce que c'est sûr, ma jambe droite, ben, j'ai dû la gérer parce que mes béquilles étaient accrochées au mousqueton sur moi-même. Je gérais ma jambe droite, et puis ma main gauche, je les tenais sur la corde, et j'essayais de descendre sans me péter la figure, quoi. Ouais, tant qu'à faire. Ouais. Donc, en fait, la première cascade, enfin, la première vasque est à 60 degrés, la dernière est à 2 degrés. Donc, il y a juste 58 degrés d'écart. Et là, tu te sens refroidir, comme ça. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. C'est là où mais tu commences. Tu imagines la réaction. C'est ça, ouais. C'est là où tu commences à faire des maracas, où tu te découvres musicien avec la bouche, quoi. Ouais, ça. Ah ouais, ouais, carrément. Et les hommes, voilà. Pas qu'avec la bouche, d'ailleurs. Mais c'était, enfin, voilà, tout le monde y est passé. Et puis, ben, pour retourner à la voiture, ben, on a traversé une rivière glacée qui était. Oh, mais canyoning, je vais dire une bêtise, mais ensuite tu prends un bateau. Enfin, non, en fait le canyoning c'est pas du. Vous confondez avec le rafting. Non, le canyoning c'est les descentes un peu style toboggan. C'est des toboggans naturels, donc voilà, il faut descendre. Ah oui, c'est avec que corps. Avec des filins et tu descends. C'est que du rappel et ton corps et qui joue dans les cuvettes. Mais tu t'es entraîné où pour faire du rappel? Parce que dans la région c'est quand même pas évident. J'ai fait qu'un entraînement à Liège quand je me préparais pour la tournée gospel. Ouais. Donc sur un plan là-bas. Bah, il fallait bien que je m'entraîne, hein, surtout. Ah bah oui, oui, il voilà, mieux, tu sais, la corde de survie, je me dis, bah, si je devrais tomber, il faut que je sache comment me retenir, quoi. Ouais, voilà. Parce qu'il y a plein de mousquetons, c'est certain. Mais vous avez déjà fait du rappel, toi? T'as déjà fait du rappel? Ah non, pas du tout, non. Ouais, une fois, ouais. Hein? C'est vrai, t'as fait du rappel? Ouais, moi j'ai fait une fois encore, c'est chaud, hein. Bah ouais, ça doit pas être évident quand même. Moi, on m'a rappelé pas mal de fois quand je sortais d'un magasin. Yo, monsieur, mais sinon, à part ça, non. On demande le petit Sherlock. Non, mais c'est pas chaud, moi j'en ai fait encore. Parce qu'on est d'accord, c'est que la corde qui passe sous les fesses et puis tu descends. On a un harnais, donc on a un harnais, et puis ben voilà, on est sanglé, c'est certain, parce que sécurité quand même. On n'est pas là pour mourir, ni pour se tuer, ni quoi que ce soit. Bien sûr. Mais voilà, on essaie d'être aussi réfléchi, d'être assez intelligent pour savoir qu'on peut pas déconner. Parce que même si on a entendu des cris, des garçons qui poussaient des hurlements dans le haut... Ouais, histoire de faire paniquer les gens, j'imagine bien. Hein. Mais pas seulement faire paniquer. Non, c'est pour mettre dans l'ambiance. Non, et puis voilà, il y a eu quelques chutes ou des petites descentes en toboggan qu'on a pu refaire à plusieurs reprises. Donc, en fait, il fallait se poser en arrière de la chute et puis se laisser tomber en arrière. Ah ouais. Et faire confiance à la nature, quoi, quelque part. Moi, j'ai confiance tout simplement aux personnes qui m'entourent. Et puis le gars nous dit, si on peut le faire, ben, on le fait, quoi. Puis je regarde toujours les premières personnes qui passent devant moi. Donc si elle remonte pas, j'y vais. Joy, pour ne pas le citer. Non, mais Joy, Si le gars s'ouvre la tête avant, bon, je vais peut-être pas y aller en fait. Il a fait 5-6 fois d'affilée, il voulait pas s'arrêter, lui, Joy. Il aimait bien, parce que bah, c'est comme si on est sur un toboggan tout simplement, mais on descend en marche arrière, ouais, avec ça, les pieds devant, et puis on retombe dans l'eau, quoi. Donc ben, on sait pas la profondeur de l'eau. Tu le ferais, toi? Mais c'est trop marrant. Je pense pas, je sais pas nager déjà, donc. Il y a besoin de savoir nager ou pas? Je crois pas. Bah non, c'est pas 10 mètres de profondeur, quoi. Donc, tu risques pas de couler. Puis t'as la combinaison sur toi qui fait quand même une bonne épaisseur. Bah, Canon, il va pas couler, de toute façon. C'était vraiment très très marrant. Non, j'ai une boîte bouée. Je l'ai faite, donc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais c'est impressionnant. Et, ouais. Mais c'était vraiment très marrant. Donc voilà, on a tous fait ça. Et puis bah, après, il faut retourner à la voiture où la température a encore chuté. Et là, bah, il faut se enlever cette combinaison où il fait moins 7. Ah oui, là, c'est déjà compliqué. Et là, ça pince, quoi, parce que ben, t'en mets le bain. Donc, les garçons, ben, c'est facile, ils restent entre eux. Et puis, ben, toi, t'es une nana. Surtout, ben, toi, t'es en bikini. J'étais en maillot de bain, une pièce. Voilà. Bah ouais, attends. Mais tu vois le givre qui arrive quand même un peu dessus, parce que ben, ça pèle, quoi. Moins 7, attends. Non, même pas. C'est des températures où tu t'étonnes. Même pas, non. Mais voilà, j'ai perdu 3 tailles ce jour-là. Donc non, voilà, après, il faut retourner à l'hôtel. Et c'est juste un moment mais immense, parce qu'on l'a tous fait. Et quand on est rentré à l'hôtel, on est tous partis au jacuzzi pour se réchauffer un peu. Tu m'étonnes. Parce qu'on avait juste un peu froid. Et puis voilà, le jacuzzi qui doit être à 40 degrés. Vous pouvez monter un peu, j'ai eu 60 degrés là-haut. Le jacuzzi est sur la terrasse, donc tu es en plein air. Voilà. T'as les montagnes, donc tu as la tête qui gèle et puis tu as le corps dans l'eau. Ça relaxe par contre. Mais ça relaxe très bien. Angie a fait le jacuzzi, donc elle était très contente. On lui a quand même donné l'autorisation d'y aller, même si elle n'a pas fait le Mais non, voilà, moi je la remercie vraiment de m'avoir permise de pouvoir faire ça. Et donc, ce défi. C'était la deuxième étape et troisième étape. La troisième étape, c'est l'apnée qu'on n'a pas pu faire parce que pas assez de glace. Alors, tu vas nous expliquer juste après pourquoi tu ne l'as pas fait. Ça n'est que partie remise, puisque évidemment. Tu vas le faire au mois de mars, c'est ça. Mais voilà, ce sera l'apnée plus les petites choses à côté. Ah, bah, tu vas nous expliquer ça juste après, évidemment, puisqu'il est 21h, passé d'une minute de la chronique Rétro Ciné 80 de notre ami Sherlock. Tu connais le principe, évidemment. Bah oui. Alors, je vais inviter aussi également Angie à prendre un casque pour écouter. Alors, je ne sais pas si pour toi, les années 80, ça te représente. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les années 80 ? L'été de Jeannet, je crois. Exactement. Ouais, d'accord, ok. Le cinéma, ça te 89. Parle. Ouais, un film de 86, ça va être un peu compliqué, mais bon. Bon, rappelle-nous un peu le principe, jingle et on va aller. Allez, bah, c'est parti. Nom de Dieu, chers amis. Et là, t'as qui dit c'est retour à la future. J'ai encore rien dit, t'as vu. Montons tous dans la DeLorean et repartons. En 1986 diabolisé. Oui, donc effectivement, donc le principe de la chronique Ciné Rétro 80, j'ai regardé un film cette semaine sur les années 80, un film des années 80, et plus précisément aujourd'hui, un film qui date du 10 décembre 1986. Un rapport avec Noël alors du coup peut-être ou le fait même pas, d'année, pas non non non pas du tout pas du tout ça n'a pas rapport avec Noël saucisse party non non c'est pas saucisse party donc je vais essayer de vous le faire deviner en vous passant des musiques qu'on entend dans le film ou des morceaux de dialogue qu'on entend également dans le film. Alors surtout si vous trouvez, faut pas le dire. Ouais, vous ouais. Le dites alors pas, si vous trouvez le film, voilà, vous balancez des indices. J'ai jamais rien dit moi. Alors donc si vous trouvez le titre du film, Sherlock, ne le dites offre pas tout de suite. Ouais, bon, on va attendre le mois prochain alors. Ouais, puis on va pas le faire à la canon. Hein. La semaine passée, c'est excellent. Ouais, c'est ça. Bon, alors je vais commencer donc par vous dire que c'est un film de George Lucas. Ah ouais, quand même. Ah, ah voilà, déjà. Pas n'importe qui. Hein. Pour une fois que je connais un nom. A fait évidemment Star Wars. Eh hein, oui, oui. Inutile de le représenter. Hein. Mais donc ce n'est pas Star Wars. Non, alors là, ça serait gay. Alors, la musique est de John Barry. Ah oui, qui était le mari de Jane Birkin. Oui, et qui a fait la musique de James Bond. Eh oui. Donc c'est pas non plus c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pas n'importe qui. Ouais. Alors, le film a fait 266 966 entrées au box-office français. Ouh, c'est pas énorme. Hein. Non. Alors, pour un film de George Lucas, c'est pourri. Ouais. Franchement pourri. Et on peut le dire. J'aime bien ton. C'est pourri. Ton dictionnaire. Voilà. Il parle bien. Puis c'est dégueulasse. Voilà. C'est nul à chier. Alors le prix, le film a eu 4 prix et 4 nominations. Ah quand même. Avec quand même, si peu d'entrée. Alors il a eu le Razzie du pire film, du pire scénario. Des pires effets spéciaux et des pires révélations des acteurs en costume. Bah, donc. Et 4 nominations, c'était également des Razzie Awards. Donc les Razzie Awards, c'est ce qu'on fait un peu pour la télévision, les Gérards. Ouais. Où on offre un parpaing parce que c'est un truc de merde. Hein. C'est ça, donc là, en gros, le film, c'était un peu ça. Alors pour un truc de George Lucas qui est sorti en 86. Ouais, donc 9 ans après Star Wars. Le premier Star Wars. Donc on se dit, c'est 9 ans avant ou après ? 9 ans après le premier Star Wars. Ah ouais, tiens. Alors, je vais vous passer un premier extrait. C'est une musique du film. Écoutez bien, c'est celle-ci. Ah. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que c'est un rapport, c'est un film plutôt science-fiction ou Ouais, un petit peu, ouais, il y a un petit côté science-fiction. Mais il a peut-être fonctionné après en VHS ou Je sais même pas, franchement. Franchement, je ne l'avais jamais vu. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Si, bah oui, il y a quand même 266 000 personnes qui l'ont vu. Enfin, et au moins, quasiment 267 000. Ouais. Et moi, je l'ai vu aussi. Mais si, il y a plein de monde qui l'ont vu, même aux États-Unis. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a été nommé au pire... C'est une comédie, en fait. Scénario... Comédie, oui et non. Ouais, si, c'est un petit peu comédie, quoi, mais... D'accord. Comédie science-fiction. Il y a pas un Bellucci dans le... Ah non, pas du tout, non. D'accord. Non, alors, je vais vous donner quelques acteurs. Il y a Holly Robinson Pitt, Dominique Davalos, Liz Sagal, Paul Guilfoyle, Ed Gale, Tim Robbins. Ah, quand même. Jeffrey Jones. Et alors, l'actrice principale, c'est Lea Thompson. Ah, je vois pas qui c'est. Alors, Lea Thompson, c'est celle qui jouait la petite amie de Marty McFly dans Retour vers le futur 2 et 3. Wow! Ah oui, parce que la première, c'était pas la même. La première, c'était pas la même, oui. C'est vrai. Marjorie, alors, t'as une idée? Oui. Oui. Ah bah vas-y, donne-nous un indice, s'il te plaît. Ah non, c'est dans la rue, elle est là-bas, c'est pas très loin, c'est le nom d'une rue à Montreux. Alors là, je sais pas, je connais pas toutes les noms. Je connais pas tout le nom des rues. Est-ce que le film s'appelle Rue du Christ? Non, pas du tout. C'est le nom d'une boîte. Le nom d'une boîte. Ouais, une discothèque peut-être. Ouais, une discothèque. Uh-uh. Si tu penses au Minoy? Non. Mais c'est pas non, ça, non. C'est pas le Minoy. Ça n'existait pas, c'était pas le Minoy. Alors, pas tout à fait une discothèque, hein. Je veux pas si... Oui, bon. si, tu peux y danser si tu veux. Ouais. Ce sera un peu bénéfique. Je vais vous passer le deuxième indice, qui est là par contre un extrait sonore du film. Écoutez bien. Veuillez lâcher cette jeune fille. Canard à bout, canard qui boue. Je vais vous plumer tous les deux, foie de canard. Un canard qui cause. Dis donc, t'es sûr qu'on est bien réveillé là? On a peut-être un peu trop forcé sur la coke. Allez, on va ouais, on va toi. On ose se moquer d'un grand maître du quoi que fou. Mais ça me fait mal, tu me casses les doigts. Toi et l'autre fast-off, vous allez filer, tu entends, caricature? Avant que je vous brise les abattis. Ce quartier n'est vraiment pas fait pour un canard intellectuel et bien... Mais bien sûr. Alors moi, c'est pas vrai. Est-ce que je peux donner un indice? Mais oui, vas-y. Ouais. Allez, si je parle par exemple de Donald... Oui, Mickey dans Mickey machin, il y a un rapport. Ouais, il y a un rapport, bah oui, ah, forcément. J'ai adoré ce film, c'est George Lucas qui l'a fait. Oui, c'est George Lucas qui l'a fait. J'adorais ce film, je te promets, et je rêve de le retrouver en DVD. En DVD, tu vas peut-être avoir un peu de mal, mais dès demain sur la page 80 heures, tu auras l'occasion de. Je vous dis Stern, par exemple. Stern? Bah oui, Stern, son prénom. Oui, exact. Même ouais, exact. Stern. Ah ouais, évidemment. Exact. Ah ouais. Ah mais. Non, il faut que tu donnes un indice. Vas-y, Joy. Joy. Ah non. Ah, si, non, vas-y. Bah, au moins, donne l'indice à quelqu'un et on va le répéter. Champion, reviens. Non. Alors, il parlait de quoi, alors LG, il parlait de quoi? Il disait quoi? Ouais, faut pas dire le mais titre. Mais pas le titre. Michael Jackson. Fallait parler de Michael Jackson. Je pense pas qu'il y ait un rapport avec Michael non, Jackson. Non. Je crois pas. Bah, non, c'est pas Moonwalker. C'est ou... Non. Il fallait parler de lui, mais... Il y a un rapport, je crois. Avec lui. Ah. Apparemment. Par rapport à Michael Jackson. Mais je crois qu'il y a un rapport avec la fièvre du samedi soir à un moment. Un petit passage où c'est style la fièvre du samedi soir. Oui, ouais. Si, il y a un truc, je pense. Ouais, je pense. Il y a un truc là-dessus. Alors, je vais vous passer un autre extrait du film. Non, ça. D'ailleurs, c'est le thème du film du personnage principal. Ah bah oui. C'est celui-ci. Oui. Alors, donc ça c'est le thème principal. J'ai encore un indice. Oui, vas-y. Un cigare. Oui, exact. Ouais, c'est il vrai fume que le cigare. Il fume le cigare dans le film. Absolument. Effectivement. Mais ça n'a pas marché ce film. Non, ce film n'a pas marché. C'est du marrant tout. Parce que moi je suis allé au Cinoche pour aller le voir et. Ah bah tu vois, tu dois être l'un des seuls en France. Je suis un des seuls à avoir allé voir. T'es un des 200. 86, j'avais. Bah ouais, j'avais 2 ans. Tu es l'un des 266 966 spectateurs de France. J'y suis allé et je savais pas que c'était George Lucas. Eh ouais, si, c'est George Lucas et John Barry à la musique. Alors, Barry, par contre, je sais pas ce qu'il a fait dedans, parce que au niveau musical, c'est pas ce qui marque le plus, hein, mais. Ben voilà. Ouais. C'est vrai que là, on reconnaît pas vraiment les thèmes de James Bond, par exemple. Je vais vous passer le dernier indice, et ensuite, je vais vous parler un petit peu, donc, du film. Jennings! Je l'ai déjà dit, pauvre moineau. Je ne suis plus le docteur Jennings. À présent, je suis un des grands souverains noirs de l'univers. Un grand souverain noir de l'univers. Chapeau, ça vous fait des responsabilités. Cette nuit, le laser va frapper au cœur du Nexus de Sominus. C'est où ça? Dans la banlieue de Cleveland? Non, c'est loin au-delà des planètes. C'est l'univers où vivent les démons sidéraux. C'est là que les grands souverains noirs furent bannis à l'aube des temps. D'ailleurs, c'est un peu la même voix française que Christopher Lloyd, à mon avis. Hein. Ouais. Je pense. Ouais, ouais, je pense, ouais. Je crois. Bon, je vais vous donner un petit peu le pitch du film. Bon, je vais même. Bah, vas-y, tu peux dire le titre. Parce alors, que mais moi, je l'ai en anglais, hein. Ouais, vas-y. Howard the Duck. Évidemment. Howard the Duck, effectivement. Évidemment. C'est Howard. Alors, en France, c'est Howard, une nouvelle race de héros. Eh ben non, c'est marrant parce que moi, j'ai pas assez Howard the Duck, mais. Eh ben voilà. Alors, d'accord. Mais ça alors, on parle là maintenant, non? C'est Howard T. Duck. Qui est un canard humanoïde qui vit sur une planète peuplée de canards comme lui. Mais un jour, alors qu'il se prélasse sur son fauteuil, il se retrouve aspiré dans l'espace et atterrit sur la planète Terre. Il est recueilli par une roqueuse, Beverly, donc, qui est jouée par Lea Thompson, c'est ça. Qui le présente à un de ses amis, le jeune laborantin Phil Blumbert, qui est joué par Tim Robbins. Ah oui, d'accord. Après avoir fait son enquête, Phil découvre ce qui a fait venir Howard de sa planète jusqu'à la Terre. Un laboratoire d'astrophysique, Dynatechnics, a créé un nouveau canon spectroscope à laser et l'a essayé, mais le rayon émis par le canon a touché le salon de Howard sur sa planète, ce qui l'a transporté sur Terre. Lors d'un autre essai qui tourne mal aussi, malheureusement, les savants font venir sur Terre un monstre venu d'une planète encore plus lointaine, donc qui s'appelle Nexus de Sominus. Et le monstre entre dans le corps d'un savant, donc le docteur Jennings, donc qu'on vient d'entendre, pour se cacher et commence à répandre la terreur sur son passage. Beverly ayant été prise en otage par le monstre, Howard et Phil s'unissent pour l'éliminer. C'est vrai. Voilà. Voilà en gros le pitch du film. Ah ouais, c'est bon, le film n'était pas super top. Si. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé marrant, mais voilà, c'est pas un grand film quoi. Avec sa plume qui était. C'est ça, ouais. Bah oui, je l'ai trouvé marrant. Alors, et il est assez porté sexe quand même. Ah oui, mais bien sûr. Bah oui. Ah, c'est ça qui c'est canon alors. C'est ça. C'est canon de c'est Duck. C'est un mélange de canon et de Kit Kat avec la plume. Donc, le costume de Howard, il faut savoir que le costume de Howard coûta 2 millions de dollars pour un budget. Total du film de 35 millions de dollars. Ah ouais. Donc c'est quand même énorme. Ouais. La chanteuse Tori Amos ainsi que Phoebe Cates auditionnèrent toutes deux pour le rôle de Beverly Switzler. D'accord. Donc le rôle que Lea Thompson a réussi à avoir. Sept acteurs ont été nécessaires pour faire vivre Howard tout au long du film. Ils ont d'ailleurs donc reçu le Razzie de la pire révélation pour des acteurs en costume. Eh ben écoute, moi je comprends pas, parce que quand même à l'époque, c'était quand même, on va dire, technologiquement, ils avaient fait quelque chose de. Enfin, ouais, alors parce que moi j'ai pas compris. J'ai pas compris et parce que le canard très est bien fait. Quoi. Ouais, ouais, le canard est très bien fait, je trouve. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu. Ben non, on l'a pas vu, ça vous parle, Marjorie. À partir de demain, tu pourras le voir. Je l'avais trouvé. Hein? C'est vrai? Tu l'avais trouvé alors? D'accord. Tu l'avais trouvé? Donc tu l'avais vu aussi alors? Mais alors c'est quoi le rapport avec Michael Jackson? Rapproche-toi du micro. Si, il danse Michael Jackson à un moment alors? Non, il a fait plusieurs films. Et il y a un film que cet acteur-là a fait, que c'est Michael Jackson qui a chanté la musique. Alors, ah mais tu parles de George Lucas alors? Ouais. Et Michael Jackson aurait fait une musique pour George Lucas? Ah peut-être oui certainement. Ah oui non, mais ah oui, ouais d'accord. Ouais, ça ouais, c'était pour les ça c'était pour Disneyland. Moonwalker, enfin c'était pour Disneyland, ouais ouais. C'était quoi déjà Non, c'est pas Moonwalker, c'était Captain EO. Oui, c'était une attraction qui était à Disneyland et c'était We Are Here to Change the World. C'est ça. La chanson c'est franchement mieux Duck Howard the Duck que ouais, bah, oui, Captain EO, ouais, hein, ouais, c'est pas pareil. Et Captain EO, il dure quoi 18 minutes de Michael Jackson, mais Captain EO, c'était une dope. Ah tu l'as vu? Et t'as aimé? Ah non, tu l'as pas vu. Mais, il y avait d'ailleurs Angelica Houston qui jouait dans le Captain EO. Ah. Et ouais. Famille Adams. Oui, exact. Alors, le film est l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du cinéma. Depuis, il est devenu une icône des échecs du cinéma. Ah bon? Et ouais. Étonné, on va dire. Ouais, ouais. Aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça qu'on le trouve plus en DVD, quoi. Ouais, sûrement, ouais. Ah bah ouais, ça valait pas. Alors, à l'époque de la sortie du film, George Lucas, alors lourdement endetté, parce qu'en fait, il venait de dépenser 50 millions de dollars pour la construction du Skywalker Ranch. Donc, et appauvri par son divorce, comptait sur le succès de ce dernier pour se remettre à flot. Donc, après l'échec commercial du film, près de 21 millions de dollars de pertes, il fut obligé de vendre à Steve Jobs, bien en dessous du prix du marché, sa nouvelle division spécialisée en animation d'images de synthèse, qui deviendra par la suite les fameux Pixar Animation Studios. Ah, c'est pas vrai. Eh ouais. Oh, on en apprend, les donc. Ah ouais, d'accord. Alors, il faut savoir que Howard the Duck, donc le film, contient quand même pas mal de clins d'œil canardesques au monde populaire que nous on connaît. Donc par exemple, il y a Howard a deux affiches de films sur les murs de son appartement. Il y a My Fair Chickadee, qui est pour My Fair Lady. Il y a Les Aventuriers de l'Arche Perdue avec Breeders of the Lost Stork. Ah oui, oui. Il y a Splash Dance également pour Flash Dance. Ah ouais. Howard lit un magazine Play Duck au lieu, de Playboy. Ouais. Il y a des poules à également un magazine Rolling Egg au lieu de Rolling Stone. Ouais. Dans son portefeuille, Howard a une carte Mallard Card au lieu d'une Mastercard. Alors Mallard, c'est les canards, hein, c'est une race de canards. C'est une locomotive. Et donc, curieusement, on peut voir la marque Budweiser dans la rue sur la planète d'Howard. Une des affiches promotionnelles du film montre d'ailleurs bien en évidence la marque Budweiser sur la canette de bière que boit Howard. Alors que normalement, ça aurait dû être changé. Ouais. Là, apparemment, Budweiser avait claqué des ronds pour, Pour apparaître dans le film. Ils ont dû s'en mordre les doigts, après, je crois. Et quand Howard pilote l'ULM, il s'annonce en tant que le Baron Blanc, référence à l'aviateur Baron Rouge. Baron von Richthofen. Ah, rouge, je crois que c'est celui avec son triplan. Non, c'est le baron rouge. Mais il y avait un baron noir, j'ai pas rêvé. Peut-être, ouais. Mais il n'y a pas un aviateur ou... Tandis que là, non, c'était pendant la Première Guerre mondiale. Baron von Richthofen. D'accord. Voilà. Eh ben, écoute, moi, j'ai demandé, tu sais la différence justement entre. Tu parlais de Play Duck et de Playboy. Ouais. Dans Play Duck, il y a des poules à plumes et dans Playboy, il y a des poules à poils. Voilà. Il fallait qu'il la sorte. D'accord. Mais elle est bonne. Et bah, tu voulais me coincer, mon ami. Ouais, bah ouais. Là, c'est raté. Mais franchement, là, je pensais vraiment que c'était le seul. C'est ça, mais. Je suis allé au cinéma. Non, mais il aime bien les nanars, c'est pour ça. Ouais, les cananars, il aime bien. Les cananars. Sérieux. Ah non, mais franchement, là, tu m'as épaté. C'est bien ça. Mais alors, épaté. Là, donc Cindy, avec nous montre. Mais c'est pas l'affiche officielle, parce que moi, l'affiche, c'est pas celle-là du tout. D'accord, bah, ouais, mais il y en a eu plusieurs. La VHS à l'époque qui m'avait coûté je ne sais plus combien, parce que ça coûtait très cher pour voir ça. Pas du tout, c'est pas ça non plus. Non, c'est pas. Il y a un cigare, ça s'en cherche pas. Ouais, sur la fiche officielle, il y a un cigare. C'est celui-là. Voilà. Ouais, d'accord. C'est exactement ça. Mais il y a eu plusieurs affiches pour le film. Il y a eu plusieurs affiches et ça me donne envie de le revoir parce que je trouve que c'est assez plaisant. Alors, il a certainement vieilli, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, si, il a vieilli. Mais après, mais j'ai bien aimé quand même le regarder ce film. Il est bien fait. Je l'ai pas trouvé si nanar que ça. Le truc, c'est que. C'est cananar. C'est canard. Ouais, c'est cananar, ouais. Mais non, le truc, c'est que le film, je l'ai trouvé quand même plaisant à regarder et j'ai pas compris pourquoi. Le radis pour les pires acteurs en costume, parce que j'ai trouvé que le costume de canard était bien. Ah oui, Et franchement, tu vois quand même, il cligne des yeux, il y a différentes expressions faciales. Tu te dis quand même pour l'époque, c'est vraiment bien foutu. Bah oui. Tu vois pas que c'est vraiment un costume, quoi. Donc c'est vraiment bien fait. Bon, après, le scénario, c'est vrai que. Oui, c'est bidon. On a été habitué à mieux par rapport à George Lucas. Mais je pense pas qu'il aurait dû avoir tous ces prix quand même. Eh ben écoute, merci pour cette rétrospective sur. Ça te fait plaisir. Sur, Ok, je suis content parce que j'étais cassé. Franchement, on parlait de Cinoche, mais rapidement, j'ouvre une parenthèse. Je me suis intéressé à un des acteurs puisque là, cette semaine, on fête quand même les 30 ans des Goonies. Oui. Oui, et la preuve en est, c'est que ce soir, il passe sur M6, je crois, les Goonies ou sur W9. W9 passe les Goonies. Sherlock nous en avait parlé. Et à un moment, je me suis dit, mais tiens, Sinoc, qui était Sinoc? Tu te rappelles de Sinoc quand même? Oui. Voilà, et sinon, en fait, en réalité, c'est celui qui s'est fait le parpaing dans la tronche. Là, c'est ça, ouais, c'est il ça, était ouais. un peu, un peu mal foutu quand même. Ouais, il le mec faisait 2 mètres. Hein, il ouais. faisait 2 mètres. Oui, oui, oui. Ouais, et, c'était une... et en fait, il a gagné 2 fois. Les... En fait, c'est un rugbyman. Mm. Il a gagné donc 2 fois. Alors, comment on appelle ça aux États-Unis aidez-moi, parce que moi, et le sport. Le Super Bowl. Le Super Bowl. Voilà, donc il a gagné 2 fois le Super Bowl. Grâce à lui, ils ont gagné 2 fois le Super Bowl. Et ce monsieur a une vie quand même. Très dramatique. Il est mort très jeune, il est mort à 38 ans. Oui, oui. Il a fait le film à 32 ans et 6 ans après il est mort parce que c'était quelqu'un de très violent et très porté sur certaines substances un peu illicites. Oui. Voilà, très violent, il a fait beaucoup de prison, il a fait beaucoup d'apparitions dans plein de feuilletons comme Agence Tourisque où on peut le voir. Alors, si vous le connaissez, vous le connaissez sous la tête de Sinoc, allez le voir sous sa vraie tête et vous allez voir, hein, c'est... C'est vraiment le Golgoth, quoi. Carrément, c'est le Golgoth barbu. Voilà. Et je pensais à ça, justement, puisque, comme je savais que c'était les 30 ans des Goonies, je me suis dit, tiens, je vais regarder un peu. Et l'acteur qui m'intéressait le plus, c'était celui-là. Ouais. Bah, je voulais savoir qui c'était. Est-ce qu'il le maquille ou pas C'était naturel ou pas ouais. Quand même, un peu. 5 heures de maquillage. Ouais. Juste pour l'info, quand même. Ouais, donc, ouais. Voilà. Ouais, c'était pas rien. Hein. Et non. Et comment c'était quoi la phrase Choco M. Sinoc. Choco M. Sinoc. Allez, eh ben on va continuer en musique. Hein. Ça marche. Eh ben avec Anita Ward et Ring My Bell, parce que c'est aussi son anniversaire aujourd'hui, Anita Ward. Ah, bah bon anniversaire Anita, qui doit plus être toute jeune d'ailleurs. Oui, non, c'est clair. Première ouais. fraîcheur, non, c'est vrai. Bon, voilà. Anita et Ward, elle est née en 56. Peut-être plus envie de ringuer sa belle. Parce qu'il y a un jeu de mots derrière Flipkat, Ring My Bell. Une signification quand même, non. C'est oui. Il y a un sous-entendu. Si si ouais ouais si si si si c'est clairement sexuel. Sonne ma cloche. Ouais mais bon mais, c'est titi moi le. Ouais bon ben voilà, voilà. Il va la donner l'explication. Il y a une signification je pense quand même non. Si si ouais c'est ça. C'est bien ça. Et ensuite on reviendra avec Blondie et Call Me. Ah Call oui. Ah oh, j'adore. Ah, allez très bon c'est... choix. C'est parti. Thank you. Et oui, donc c'était donc Blondie avec Call Me, et juste avant donc Anita Ward avec Ring My Bell. Donc vous êtes toujours sur RQC 95 FM, 95 FM. C'est toujours l'émission 80 à l'heure. Et nous sommes toujours en compagnie de Marjorie Demuet qui nous raconte, oui, qui nous raconte ses péripéties tout au long de son ascension. Absolument. Alors il y a Angie et Joy qui doivent nous quitter parce que bah, évidemment ils ont aussi des occupations personnelles. Donc Angie, hein, présidente donc de Rêve d'Ange, on aura l'occasion d'en reparler évidemment. On va aller à l'info voir un peu Rêve d'Ange et pourquoi pas peut-être un jour peut-être faire des choses aussi, hein, parce que on parle d'associations, il y en a plein qu'on connaît et on fait pas forcément on pourrait peut-être faire certaines choses pour ces associations là, on en reparlera. Et donc voilà, donc on les salue au passage, on les remercie d'être passés. Et puis Joy, maintenant que t'es parti, on peut te dire du mal de toi. Attention. Attention. Ouais, ouais, ça marche. Allez, bon retour, merci à vous. Donc vous êtes bien sûr évidemment, comme tu l'as dit, hein, toujours dans l'émission 80 heures sur RQC 95 FM. Est-ce qu'on a quelques messages sur Facebook? Nous n'avons plus d'amis. Canon, Iboud. Mais non, mais je crois que Canon travaille. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est, bah oui. Ça, donc, c'est pour ça en fait qu'il pouvait pas venir. Ah. Il travaille. Il nous a laissé un mot tout à l'heure. Oui. Il y a de ça deux heures en disant que qu'il nous souhaitait une très bonne émission. Et un mois sans lui. Ouais, c'est ça. Il note, ça va vous faire du bien. Un mois de tranquillité, amusez-vous bien. C'est cool. Donc voilà. Mais effectivement, ça nous fait du bien. Ah ouais, mais carrément. Mais carrément. Mais on plaisante, on l'aime bien. Moi j'aime bien. Ouais, c'est un mois, c'est une bonne période. Mais on préférerait deux mois quand même. Allez, redevenons sérieux parce que nous sommes avec Marjorie Demulier qui nous revient donc, comme tu le dis si justement, donc d'un périple. Donc alors c'était l'ascension donc d'une montagne du côté de Fort-Romeu. Ouais. Ça a été du canyoning. Alors il était prévu de l'apnée. Il était prévu sous de glace. L'apnée, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur de glace au niveau du lac où on devait aller. Donc c'était vraiment sur un lac gelé. Et au niveau de la sécurité, ben voilà, on déconne pas. Donc Mais justement, moi je voudrais comprendre parce que c'est, l'apnée, c'est le but, c'est quand même c'est d'aller en dessous, pas au-dessus. Oui, mais l'apnée, mais il y a des gens qui nous surveillent de dessus. Ah oui. Donc si c'est pour avoir quelqu'un qui est sur la glace, qui n'est pas assez épaisse, qui passe à travers la glace, ça peut être dangereux. Mais les morceaux de glace peuvent tomber sur la personne qui est dessous également. Oui. D'accord. Donc, on n'a pas pu tout simplement. Donc, j'en ai parlé à un guide là-bas de haute montagne. Il m'a dit, ben non, si c'est pour avoir plusieurs blessés, ça ne sert à rien. Autant travailler dans des conditions de sécurité optimum. Bien sûr. Donc, ben voilà, c'est ne que partie remise. Donc là, on va tomber, ben, on va le faire au mois de mars, où l'hiver sera en plein. Et donc, il y aura le défi de l'apnée qui se fera. Plus deux petites surprises. Alors, ça sera quoi? Est-ce qu'on peut avoir non, on m'a dit déjà, on vient de me dire que je ne pouvais pas le dire parce que ben voilà, c'est encore un petit peu la surprise pour tout le monde. Ah oui, voilà. Ben, on le fera encore de nouveau pour d'autres associations. Donc, c'est bien, c'est plus de nouveau un défi, mais ce sera plusieurs. Ce sera alors, de nouveau. Après avoir été sous la glace et faire de l'apnée, elle repart en montgolfière. De la montgolfière, saute en parachute. Ouais. Et tout ça en maillot de bain. C'est ça. Même pas cap. Si tu serais capable. Il fait trop froid. Si tu serais capable. Non, bah ouais, je serais capable de le faire. Enfin, là-haut, il fait quand même un peu moins 40, quoi. Mais en avion. Voilà, je peux juste te dire qu'il fera très froid. Ce qu'on fera, ce sera vraiment dans des températures. Bien froides. Bien froides. Et voilà, il faudra qu'on s'accroche. C'est bien. Mais alors, dis-nous, alors parce que effectivement, donc le but c'était effectivement de te dépasser, quoique finalement on ne sait pas si tu t'es dépassé réellement, puisque ça a été à la hauteur de tes forces. Oui, mais c'est certain. Mais parfois, tu sais, à trop vouloir, à dire je peux, on va au-delà de ses forces. Oui, c'est bien. Mais maintenant, moi, j'ai eu un entraînement. Je me suis entraîné quand même 6 mois avant de faire ce défi, qui ne durait qu'un week-end. Excuse-moi, mais des week-ends comme ça, je veux pas tous les jours. Voilà, donc tu peux pas partir sans entraînement. Donc c'est vrai que j'avais ma coach Déborah avec qui j'ai travaillé tous les jours en salle. Mm-hmm. Il y avait ma kiné, donc et puis ben moi je m'entraînais régulièrement les marches dans le sable sur la côte pour me dire d'avoir cette habitude de ne pas planter mes pieds sur du béton parce que ben dans le sable c'est un peu chaud pour moi. Ah oui, bien sûr. Oui, les dunes c'est chaud boulette à monter en béquille, donc ben voilà, je me suis entraînée de ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu et puis ben voilà, j'ai mis mon cœur et j'ai mis mes énergies et puis j'étais pas seule. Je savais qu'ils m'auraient pas lâché, les gars, là on était une famille tout simplement et ensemble on est plus fort. Et on s'est tous tenu la main. Je sais que peut-être que moi j'ai pu aider un champion par maniaque, peut-être par mon mental. Et eux m'ont aidé ben à m'avancer physiquement, voilà, physiquement. Laurent plusieurs fois m'a poussé sur les fesses pour grimper parce que ben ouais, voilà, bon, que mais j'ai rien senti, la combinaison est tellement épaisse que j'ai rien senti. Mais là c'est bon, donc elle disait pousse plus fort je sens rien là. Mais non, c'est lui qui me disait, c'est lui qui me disait, pourquoi tu pousses par la poitrine Mais parce que là il aurait fallu que je marche en marche arrière. Oui, t'as tiré vers le haut. Non mais voilà, c'était vraiment, je suis vraiment très très fière de ce qu'on a accompli. Mais tu as de quoi mais donc tu as récolté des fonds. J'ai récolté des fonds donc pour mes associations, donc à la base j'avais pensé 350 euros, parce que ben, j'avais jamais fait ce genre de truc. J'avais 5 associations, donc je me dis 350 x 5, bah, c'est un budget. Ah oui, quand même, par association. Ah par oui, association. Oui. Bah, pour finir, je me dis bah, pourquoi pas 500 balles. Au jour d'aujourd'hui, je peux promettre à chaque association bien plus. Ah super. C'est bien. Bien plus. Donc je ne peux pas dire le montant, parce que le chèque officiel bah, sera remis le 10 janvier prochain. D'accord. Donc j'en ai un peu parlé aux échevins, donc, mais maintenant il faut que j'envoie une lettre au conseil, quoi, et je vais aller, etc., pour avoir l'accord. Mais ça se fera le 10 décembre, donc toutes les associations seront présentes. 10 janvier, pardon, oui. Toutes les associations seront présentes. Bah, les médias seront également présents. Bah, toutes les personnes qui m'ont soutenue, moi, je voudrais qu'elles soient présentes parce que j'ai envie de les remercier. Donc, vous serez convenablement invités. Ah, ben non, c'est un mardi. Ah, ça, 7 heures. Donc, il y a moyen. Oui, il y a moyen. On va t'envoyer Flipkat. Non mais voilà, c'est super important pour moi et j'ai vraiment envie que ces associations. Mais si ça, 7 heures, on peut passer, puisque si ça se passe où? Ce sera ou au Staquet ou à l'hôtel. Ah bah voilà, mais quitte même à décaler un peu l'émission, bien sûr. Maintenant, j'attends l'accord. Oui, bien sûr. Ils sont un petit peu d'accord, mais par principe, ils vont envoyer un courrier et. Ouais. Le père français, il va dire oui. Amen. Hein, il dira oui, mais bien sûr qu'il dira oui. Mais bon voilà, maintenant je suis très contente d'avoir pu tenir ma promesse également auprès des associations parce qu'elles m'ont fait confiance, en rien. J'aurais très bien pu me planter et du coup planter leur association en disant bah ouais, tu vois, elle fait ça pour l'association, mais elle n'est pas allée au bout, c'est du blabla pour pas grand chose. Et ben non, j'avais donné ma parole et voilà, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est cette phrase, elle est gravée en lettres d'or sur mon cœur et. Jamais je pourrais l'oublier. Maintenant, les gens la citent. C'est ça qui est très marrant. Oui, c'est ça. Moi, j'ai remarqué les, ça. Les gens commencent à la citer. Les médias commencent à les citer. À nos télés, quand j'étais invitée à Belgique. Oui, j'ai vu ça. Ouais. Rien n'est impossible. Mais c'est bien. Bien sûr, mais ce n'est pas bien que pour moi. C'est bien pour tout le monde. Moi, je n'ai pas mis ma marque dessus. Oui, mais ça fait passer un message quand même. Voilà. Absolument. Et les gamins le citent. Et moi, maintenant, mes gamins m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi. Et bien, je suis contente en tant que maman. Oui, voilà. Ça aussi. Parce que c'est également leur passer un message en disant que bah, si moi j'ai pu faire des choses dans ma vie, vous êtes capable de pouvoir les faire. Il suffit d'avancer quoi, maintenant, et j'ai du travail dessus. Tu veux quelque chose dans ta vie, travaille, enfin, motive-toi, fais ton entraînement les 6 mois avant, enfin, et puis bah, fais ton défi, ça veut dire bah, vise ton but, et dans ta vie si tu veux être avocat, bah, tu t'en fous de ce que les autres veulent te dire. S'ils disent non, bah, si toi t'as envie de devenir avocat, bah, vas-y quoi, reste pas dans la case qu'on veut te mettre. C'est vrai. Il n'y a pas de limite en fait. Je crois qu'il n'y a que les barrières qu'on se met. Mais il y a déjà tellement, il y a tellement de barrières déjà dans la vie. Oui. Pourquoi tu t'en rajoutes quoi? Il y a un moment, il faut arrêter d'être taré quoi. Mais c'est bien essayer d'aller au-delà de certaines limites. Même je ne vais pas dire braver les interdits. Mais j'entends bien, mais se dire ben non, il n'y a rien. Mais on peut tous faire. Et puis par son exploit, allez, tu dois franchir les barrières. Il n'y a rien qui est impossible. Mm-hmm. Mais ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il y a un entraînement. Donc c'est-à-dire que tu te mets des garde-fous, tu fais en sécurité quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que les médecins, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit, madame, c'est pas possible. Vous êtes malade. Ouais, mais ça, je le sais, ça fait 11 ans, faut pas me le rappeler, ils ont écrit sur ma tête. Mais non, faut pas faire ça, votre corps, machin. Et j'avais pas envie de m'arrêter à ce qu'ils me disent, quoi. Pourquoi toi? Déjà, pas que je perds du temps à l'hôpital, mais je passe déjà tellement de temps à l'hôpital. En plus, ils m'empêchent de réaliser un rêve, quelque part, pour les gamins. Pour les associations, mais je me dis, attends, c'est comme si tu es une deuxième fois. Et je leur ai dit, d'accord, docteur, je vous écouterai en 2028. Et voilà. C'est bien. Mmh. Et je l'ai fait. Et maintenant, on me regarde, ah, mais tu l'as fait. Et votre corps, maintenant, il va comment? Ben, j'y vais très bien. C'est sûr que j'ai mal. Il y a un moment où je ne peux pas me mentir, quand je suis rentrée à la maison, je sentais que ça douillait quand même pas mal, quoi. Parce que j'étais encore en pleine tournée gospel également, donc. J'enchaînais, et ben, il y avait les journalistes qui venaient, il y avait la télé, il y avait la tournée Gospel for Life, il y avait le défi qui venait de tomber, il y avait la kiné, enfin tout ça. Je me dis, j'avais des journées de 48 heures, quoi. Mais je suis tellement fière d'avoir pu le faire. Voilà, c'est ça. Je sais qu'il allait y avoir un retour de toute manière, parce que beaucoup de personnes m'attendaient au tournant. Ah bah tiens. Non, ouais, c'est ça, c'est du blabla, machin. Et t'as réussi. Mais on l'a réussi. Oui, mais après, voilà, je parle pour toi individuellement. Mais bien sûr, moi, après, je sais que ma maman... Évidemment, avec... après, quand t'as des sportifs chevronnés qui ont réussi à le faire, bon, on sait bien, mais on se dit, ok, c'est pas mal, c'est une ma plus belle performance victoire, sportive, tu sais, c'est quoi, Stéphane, mais c'est venant d'avoir... de ta part, ça l'est doublement plus... Ma plus belle victoire, c'est d'avoir pu étendre ce drapeau. C'est vrai. Juste l'avoir étendu, dire cette phrase « Rien n'est impossible à celui qui croit » et avoir laissé parler mon cœur. C'est ma plus belle victoire, parce que quand tu laisses parler ton cœur, tu triches pas. Mmh. Et je pense qu'on était tous dans l'émotion là-haut, ouais, parce ouais, que, ouais. Bah, ouais, bah voilà. Ouais, et puis j'avais mis le chant « You raise me up ah, ». Ouais, voilà. You raise me up. Tu te ranges à canon. Non, mais voilà, ce chant est super important, c'est pour vrai, moi, parce que vrai. Si tu fais la traduction de ce chant, bah, tu auras tout compris, voilà, parce que... Bah, je me relève au-delà de la montagne, je me relève. Chant irlando-suédois. Bien sûr, qui vient des Golden Secrets. Norvégien, irlando-norvégien. Qui vient des Golden Secrets, bien ça. Sûr. Mais oui, oui, oui, tout à fait. The Secret Garden, tu ouais, le savais bah, évidemment, oui. Et non pas Josh Groban, mais non, mais beaucoup de gens pensent que c'est reprise. Lui. C'est une reprise, non, non, non, mais voilà. Non, je ne le savais pas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ouais. Ben moi, je l'ai découvert une demi-heure quand tu l'as dit. Ah, parce que tu m'écoutes maintenant. Ah oui, enfin. Eh bien, tu sais quoi, voilà. Je vais dire une chose, Marjorie. Il y aurait tellement, tellement, ah. tellement, tellement, tellement de mots pour raconter ce que tu as fait, pour te définir, pour te caractériser. Des mots, après, ça reste que des mots. Moi, j'ai envie de faire juste une chose et vous allez le faire avec moi. Moi, ouais, bravo. Merci. Vraiment. Vraiment, parce que c'est, franchement, faut le faire. Alors moi, ce que je te propose, ben, on va continuer toujours dans le rythme de l'émission. Hein, notre ami Flipkat qui est avec nous toutes les semaines pour nous faire une chronique. Onissa, tu vas rester avec nous encore un peu. Le temps de la chronique de Flipkat. Si, tu vas rester. Il n'y en a pas pour longtemps, tu restes pas. Attends, t'en feras une deuxième. Parce que justement, c'est une chronique sur un groupe qui est connu de nom et peut-être un peu moins au niveau des titres parce qu'on se dit, mais ouais, d'accord, je connais, mais qu'est-ce qu'ils ont chanté? Oui. Voilà, et là il va vous remettre un petit peu dans les rails et vous dire bah oui, les Clash, c'était qui, c'était quoi. À toi de jouer. Les Clash. C'est quoi ça ? Radio Clash, ouais. D'accord. C'est pas J'aurais dû le mettre, tiens. J'aurais dû le mettre pour commencer, tiens. J'aurais dû le mettre pour commencer, tiens. Tu veux quand même pas me chier ma chronique. Ah bah allez, c'est parti, les gars. Alors, je l'avais dit, je l'avais déjà faite, mais bon, pourquoi pas, ce sera toujours un plaisir de la refaire, il y a plus d'un an de ça. Donc, je vais vous parler des Clash. Comme vous en doutez, ben, je vous le donne en mille, c'est un groupe britannique. Ah bah tiens. Hein, un groupe de punk, puisque ben, la grande mode, c'est toujours de coller des étiquettes sur les groupes, hein, de les caser dans un alors, style. Alors, ils étaient punk ou la musique était punk? C'est punk rock, en fait, d'accord. Plus exactement. Mais bon, ça a été beaucoup plus... rattaché surtout pour la période où ils ont émergé au mouvement punk bien entendu et notamment punk britannique puisque c'est de là que tout a commencé bien entendu. Alors bon, évidemment formé à Londres dans les années 70, milieu 70 puisque formé en 76 et était connu évidemment pour être un des quatuors majeurs de l'histoire du rock et du punk rock britannique. Voilà. Alors ils ont été comme je le disais rattachés au mouvement punk et principalement un rock contestataire bien entendu puisque ça on l'a pu le voir dans certains de leurs albums hein, dont l'importance des textes était primordiale pour ceux qui savent évidemment traduire, qui comprennent déjà l'anglais. Non mais c'est assez intéressant. Alors au niveau des musiques, le style, les sonorités étaient assez différentes en fait au travers des différents albums en puisant la source des racines musicales de chaque membre. Puisque quand on regarde bien sur les photos, chaque membre avait un style bien différent. Ah ouais ? Oui, ouais, ouais, quand on regarde, ouais, surtout Joe Strummer et Simon Hahn. Alors évidemment, dans les influences, on retrouve du punk, évidemment, du rock, du rockabilly, ouais. Du reggae, ça valait ? Non mais ça va parce qu'apparemment je parle trop près du micro donc. C'est juste que le micro normalement on doit le mettre vers environ à 20 cm de notre bouche. Ouais. Et toi à chaque fois que je le recule tu le ravances ou tu te ravances vers le micro. Oui mais pour moi 20 cm c'est ça. Hein. Non là t'es là ça te va là. Là tu gonfles un peu plus loin. Non mais c'est pas une mesure fiable hein. C'est pas un mètre étalon. Alors pour nos auditeurs, hein, rassurez-vous, restez avec nous, vous êtes toujours sur RQC 95 FM. On a quelques problèmes de micro, on va dire. Bah, la technique, on a Jackie. C'est pas de sa faute, hein, c'est un brave gars, mais il a deux bras gauche. C'est elle, je crois. Pardon ? C'est elle, Jackie. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend. Tiens, sur l'opération, toi. T'es semblant de réfléchir. Bah, c'est juste que Michel, c'est pas deux LE ou LE, donc je me suis dit, oui, ça doit être Jackie, elle. Ouais. Et oui, oui. On va revenir à nos moutons. Alors, évidemment, je le disais, donc, au niveau des influences, hein, punk, rock, rockabilly, reggae, ska aussi. Reggae? Ah ouais? Oui, tout à fait. Oui. Ah bah oui. Dans ce que j'ai passé, il y a même eu un album qui avait de fortes influences, de fortes connotations ska, et ce qu'on appelle aussi en Angleterre le dub, c'est-à-dire toutes les influences de ska jamaïcain. Je connaissais la dub, mais... Là, c'est dub, hein, ouais, non, c'était pas de la dub, tout la franchement. Quoi de la dub. Il a l'habitude d'en manger, le pauvre, alors. Bon. Fais-nous écouter ta dub. Ah, oh bah c'est sympa, merci. Voilà. Non, ta dub. C'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas la même chose. Alors, au niveau des membres. Alors, les plus. Bah, je l'avais évoqué. Les dubs. Bah, oui, voilà, tout à fait. On va écouter, je pense, un petit peu. Ça va aller, hein. C'est reparti. On va boire frais, puis on va se calmer, hein. Non, mais j'en suis aux auditeurs, c'est RQC, c'est 4 ans. Il n'y a rien qui va mal. J'adore les expressions de Flip 4. J'adore les expressions de Flip 4, c'est on va boire frais. C'est vraiment le truc des années 80. Il y avait un film comme ça, c'était on se détend, on boit frais à Saint-Tropez. Bah écoute. La dernière fois, il est venu vers moi, il dit alors t'es batte. Non, mais franchement, même encore maintenant, c'est d'actualité. Une bilou, tu la vois pas chaude, quoi. Quoi? Une bière, une binouze. Une binouze. Ah, ouais, j'avais pas compris. Ouais. Oh là là là là. Parce que elle les préfère dures, les binouzes. Les, oui, enfin bref, il est pas encore l'heure, mais on peut pas. Ça s'arrêter ici. Hein. Bon. Alors donc, je vous parlais des Clash, hein, en fait. Oui, c'est mieux que j'adore. Vas-y, continue en continue. Ne te laisse pas déconcentrer, Flip 4. Non, mais absolument, je me recentre, moi. Et donc, bah, au niveau des groupes, puisque j'avais dit tout à l'heure, c'est un quatuor. Il y a, pour nommer les plus célèbres, il y avait évidemment le plus connu, Joe Strummer, Mick Jones, qui étaient tous les deux à la guitare et au chant, et aussi les principaux fondateurs du groupe. Et on avait aussi Paul Simonon et Terry Shams. Tu dis Mick Jones? Oui. D'accord. C'est le même qui a été dans le groupe des Foreigners? Bah, la Foreigners, ça m'a interpellé, j'ai pas vérifié, justement. Je t'avoue. D'accord. Ouais, très franchement. Pas impossible. Quand on regarde par rapport à l'époque, oui. Ce serait pas impossible, mais à vérifier. Et la fois dernière, ça m'a interpellé, j'ai pas pris le temps de vérifier. Je vais regarder, tiens. Ouais. Alors, le groupe a connu en fait deux succès, principalement, bah, bien évidemment, en terre conquise, l'Angleterre, en 76 jusqu'à 78, à l'époque de la première vague de punk britannique. Et ils ont sorti un premier simple, White Riot, en 77. Alors là, on a profité pendant l'intermède musical, pendant que le titre passait, on a vérifié, et donc effectivement, le Mick Jones auquel on faisait allusion juste avant n'a rien à voir. Avec le groupe. Mais comme je le disais, bon, Jones, oui, tout à fait, Jones, c'est un nom de famille courant dans Angleterre. Ouais, c'est un homonyme. Voilà, ouais. Donc ça n'a rien à voir du tout. Alors donc là, bon, on a White Riot, en fait, ça, c'est les révoltes blanches, en fait, hein. Riot, c'est, Les émeutes. Les émeutes, je cherchais le nom, merci. Ouais, je t'en prie. Donc ça, c'est franchement punk, c'est carrément les débuts des Clash, hein, donc 77. Alors évidemment, à partir de là, le succès est au rendez-vous. Alors, il y a eu, je vous ai parlé tout à l'heure d'une première période et maintenant d'une deuxième période, puisque les Américains les ont découverts deux ans après, en 78 jusqu'à 82, avec la sortie de leur deuxième album, qui était en réalité le premier album pour les Américains. Ah oui. Avec, oui, c'est, l'album s'intitulait Give Them Enough Rope, qui était sorti donc en 78. Alors, il y a eu un album évidemment mythique, celui-là, et incontournable, duquel a été issu un single, puisque quand je vais lui donner le titre de l'album, qui était un double en fait, sorti en 79, London Calling, et qui sera quand même, de toute façon, de toute leur carrière, le plus grand succès commercial rencontré. Alors évidemment, ça ouvrait les portes pour des gens qui ne connaissaient pas ce style sur la musique punk et d'autres univers. Ils offrent une plus large palette, pardon, de styles et d'influences musicaux que les albums précédents, parmi lesquels, je le disais tout à l'heure, le rockabilly à la sauce américaine, le reggae jamaïcain, avec des styles et des échos, et ça, il y a des morceaux que je t'inviterai à écouter. Ah, je suis étonné, ouais. Ouais, ça m'étonne, ouais. Le style dub, ce qui était assez populaire, et non pas dub, hein, c'est, qui était en fait ce qui a donné naissance au ska en Angleterre. Et pour moi, dub, c'est... dans la musique électro, on parle aussi beaucoup de dub. Oui, mais ça peut pour revenir à ça. Ah, d'accord. Ouais, okay. C'est... Quand on fait le parallèle, oui, t'es pas loin de ça. Alors évidemment, on arrive à 82, à l'époque où on a commencé à avoir des tensions dans le groupe, 82-83. Et malgré cela, je dirais que durant les tournées, et notamment surtout lors d'une tournée, le groupe a réussi à enregistrer un album supplémentaire qui s'appelait Combat Rock. Ouais. Un très très très engagé musicalement, et qui deviendra évidemment la meilleure vente mondiale du groupe. Alors là, je vais vous donner une flopée de titres, et là, ça va vous parler. On va commencer avec Rock the Casbah. Ah oui! Alors j'avais oublié, je devais vous passer, évidemment, puisque j'ai parlé de London Calling à l'heure. Je l'attends depuis tout à l'heure. Hein. je suis là et... Il faut que j'explique à mes auditeurs, en fait, c'est parce que j'étais parti avec une clé USB, en fait, correspondant à ma chronique. Ah oh non. Et qu'ils étaient... Non, non, mais ça valait. Alors, je l'ai reporté au magasin, au service après-vente, parce qu'il y avait un problème. Et donc, la clé USB, je l'ai paumée, donc ben, j'ai dû refaire ça à l'arrache. Donc, bah, j'avais trouvé. Donc, tu l'as fait à la bouche. Tu t'es fait Calling London à la bouche. Bah, oui, donc on avait parlé de London Calling en 79. Bah, on va vous le passer. Allez. Allez. Cette musique, ce que je disais hors antenne à Philippe 4, cette musique me fait penser à... Ça doit être utilisé pour une émission... Comme générique, ouais. Sur une chaîne nationale, je pense. Grand Lille TV. Non, bah non, je pense que c'est... Tout à fait le sur M6 ou un truc comme ça, une émission de déco. Par contre, un truc je pense que c'est une musique qui a été utilisée dans Trainspotting. Ah oui, ça, c'est bien possible. Oui. Je sais pas, ça me parle. Et j'ai hormis les quelques disques que je vais vous passer après, mais c'est probablement, quand on évoque le nom de Clash, le titre qui ressort. Ça c'est le grand classique Should I Go qui est saoulant, c'est Rock the Casbah de loin aussi, celle que je... oui Rock the Casbah, ouais. Encore que quand je le passe tu l'as pas reconnu tout à l'heure, tu l'as pas passé encore en générique, non c'était This is Radio Clash mais avant je m'étais on a tellement bidouillé Rock the Casbah, je l'aurais reconnu quand même. J'aime bien le truc, c'est je te l'ai passé tout à l'heure, tu l'as pas reconnu. Bah en même temps, c'était pas ça, vous avez peut-être pas ça. Non, mais faut vous, je voulais mieux. Passé tout à l'heure dans ta voiture alors que j'étais pas là. Non, mais je le mettais au début, mais moi, tellement. Mais je vous ai dit, je vais changer mes génériques. Voilà, donc on va t'en trouver. Hein. Ouais, mais je vous fais confiance pour ça. London Calling, donc 79. Après, on avait donc en 80, on avait Radio Clash justement. Et oui. Rock the Casbah. Non, Radio Clash. Arrête quoi. Et bon, dis-le, hein, je vais te la faire ta chronique. 80. Bah évidemment, puisque bon, quand on évoque Clash, c'est toujours le sample éternel Should I Stay, Shall I Go, qui est sorti l'année suivante en 82, et de loin celui que j'aime le moins. Ah ouais, bon, ouais. Il est sympa aussi quand même. Attends, ouais, tout c'est de même, soudain, hein. C'est... Ça a marqué Marjorie, ça, je suis sûr. Tout à fait. Allez. Allez. Ah, c'est une version live en plus. Ouais. C'est vrai que là, ils avaient envie de finir le concert rapidement, quoi. Ouais, il prend le train, là, quand même. Ouais, non, mais ça arrive. En fait, je voulais choisir parce que, ben, comme j'ai dit, elle me... la version classique que tout le monde connaît me saoule un peu, ouais. À force. Et ça, c'était... Enfin, je sais que c'est pas parlant pour nos auditeurs, mais il faut voir la vidéo. C'est quand le groupe est présenté. Ça, c'était, je pense, d'ailleurs, en 82, pendant la tournée London Calling, justement. D'accord. Et c'est là qu'on voit quand même la popularité, c'était quelque chose de phénoménal. Bien sachant sûr. Qu'on n'ait pas les moyens dont on dispose aujourd'hui au niveau des médias, notamment avec l'Internet, c'était quand même assez... c'était noir de monde, quoi. Donc, effectivement, la version est un peu sur les chapeaux de roue. Mais j'aime assez bien, ça change. Alors, il y avait donc Should I Stay, Should I Go. Après, bon, bah, on avait le fameux Rock the Casbah, que tu as insisté tant pour... voilà. Ah ouais, j'ai bien... Alors. Ça a été repris par Will Smith. Ah, c'est possible. Ah ouais. Will 2K. Was a standing on the radiator grill. Alors, si je peux me permettre, j'ai oui. juste le début de la chanson dont je vous parlais, de Will Smith. Oui, c'est... hors antenne, hein, parce qu'il faut que tu expliques que tu nous en parlais hors antenne. J'en ai parlé également à l'antenne. Ah oui, donc Will Smith, en fait, a repris le rythme, donc c'est le sample de Rock de Casbah, et il l'a repris pour Will 2K, qui était une de ses chansons qu'il a sorti en l'an 2000, et c'était ça. Ouais, carrément, ça n'a rien à voir. Ah ouais, mais si, il y a le piano derrière. Oui, d'accord, oui, évidemment. Mais il a fait que ça, parce qu'il a fait des reprises. Ouais, ouais, bah, la plupart de ses chansons, c'est des. Regarde-là, on l'entend. Ouais. Voilà, bon après ça part vraiment style rap, mais clash, après ça part en couille, bah oui, forcément. Quoi. Mais non, mais le truc c'est que Will Smith. Ouais, il y a un clash. Non, mais le truc c'est que Will Smith a repris beaucoup de samples dans ses chansons, notamment Men in Black, c'était déjà une musique des mais années 80. Sûr, bah oui. Donc Men in Black qui est passé cet après-midi, Peter. Pardon. Non, parce que non, quand je suis passé chez ma mère pour filer son déménagement, elle regardait ça. Pardon. Tu disais Harry. Il a pris The Zai Zai de Peter Pierret. Je ne sais pas. C'est Peter Pierret. Peter Pierret. Peter Pierret. C'est pas le Zai Zai, c'est le The Willy. Voilà, donc... On va revenir... À nos moutons, hein. Ouais, parce que j'ai dit... Bah, au clash, tiens, bah, dis donc. Ouais, bah, pour terminer la chronique... En fait, comme je le disais, c'est, donc tous ces grands titres en fait sont sortis. Ce sont quand même les titres qui ont rencontré le plus grand succès. Et bizarrement, ben, conjointement à une période où il y avait déjà beaucoup de tensions au sein du groupe, 82-83. Donc, ben, avant, oui, tu voulais dire clash. Oui, voilà, forcément. C'est pas vrai. Hein. Ça fait troisième fois que tu le sors. Hein, non, il y a un clash dans le groupe, je sais pas. Ouais, c'est ce qu'on pense bien dire. Non, mais avec ces derniers titres, il faut quand même citer un titre qui est sorti sur la fin des années 80, hein, malgré les diverses tensions, et qui sera, à mon avis, vraiment un des derniers tubes, dernier succès du groupe, c'est I Fought the Law, qui est une reprise, en fait. Ah ouais. Non, une reprise de 56. La salsa du démon. Ah ouais. Donc là, le titre rappelle le nom. I Fought the Law. J'ai combattu la loi et j'ai perdu. Ok. Wow. C'est un titre qui est une reprise d'un chanteur qui s'appelait Curtis en 56, qui fait partie de la clique à Buddy Holly et les Crickets. D'accord. Ok. Voilà. Yeah. Et alors aujourd'hui, donc, les Clash. Alors justement, aujourd'hui, ben le groupe à la fin des années 90 ne faisait plus grand chose. Toutefois, Joe Strummer avait relancé un petit peu la machine en rassemblant les musiciens et donc sous une formation différente, un peu plus rock, puisqu'il avait baptisé le groupe de Mescaleros. Ah, il a changé de nom carrément. Pardon ? Il a changé de nom carrément. C'était pas la formation complète avec les quatre. Hein. Et bah, la dernière fois qu'on avait vu Joe Strummer monter sur scène, c'était en novembre 2002 à Liverpool. Et il est mort subitement en fait quelques jours après d'une crise cardiaque en fait à l'âge de 50 ans. Oh lolo. Mais voilà. Ah, il était pas très jeune, non, non, non. Jeune, non. D'accord. Okay. Parce qu'encore d'aucuns pensent que, et pour moi oui, Joe Strummer, peut-être petite exception pour Sam Allen, mais je pense qu'effectivement c'était le pilier du groupe. Quand on regarde bien au niveau du look, de l'apport, chaque membre du groupe avait son style, apportait ses influences. Mais pour moi, ouais, Strummer, ça restera. Puisqu'il avait fait carrière solo aussi. Hein. D'accord. Voilà. Marjorie, ça te parlait, les Clash ? Non. Moi, je suis pour la paix, donc ça va. Moi, je le oh là là. Bravo, Marjo. Je vais pas changer ce que je suis. Eh ben non, mais non, c'était une blague, là. C'était les Clash, le groupe. Ouais, non, mais je te demandais pas si tu aimais les Clash. Non, non. Il y a certains morceaux que je connaissais. D'ailleurs, je t'avais dit, hein, il y a une musique là qu'on mettait pour les rassemblements d'écolos, quoi. Donc, oui, ça, absolument. Donc, quand t'as 10 ans, ben, tes moniteurs, ils pètent un plomb, quoi, tout simplement. Mais c'était sympa. Non, mais c'est clair, c'est sympa. Donc, du coup, eh ben, ouais, ce qu'on va faire, moi, ce que je propose, alors je vais prendre Sherlock au dépourvu, mais tant pis, hein, mais. Je vais demander à Sherlock de nous faire un petit ABC Song, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, bah oui, pourquoi pas. Demander à Marjorie, rappelle un peu le principe de l'ABC Song. Alors, bah, l'ABC Song, je vais te demander donc une lettre et un chiffre. Et par rapport à ça, je vais te trouver la chanson qui y correspond. Une lettre et un chiffre. Demande un Z et un X, je serais mort de rire. Bah, même X ou 79, par exemple, 79. Allez, je dirais W. Ouais. 28. W28, wow. Ok. Ah, il y a des noms dans les W. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Ouais, il y aura les Wranglers. Wham. Les Wranglers, années 80. Wranglers. Ouais. C'est une marque de jean. Non, les Wranglers. Les Wranglers. Wranglers. Wranglers. Yeah, yeah. What the fuck. Il y avait quoi avec les W? Whitney Houston. Ah bah. Ouais. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y avait Will dans Smith. Les W Michael Jackson. Non, il y avait Womack and Womack. Ah, Womack and Womack. Avec Teardrops. Ouais. Ah ouais. Il y avait Teardrops. Et c'est dans les 28, ça? Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Ensuite, alors, bah, un deuxième. On va demander Onissa, tiens, allez. Onissa. F-14. F-14. Tom 4. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait dans les F? Bah, Foreigner. Frederick Jones. Ouais. Les 80. Non, c'est plus 90. Frédéric okay. Goldman Jones. Oui. Ouais, ça serait un peu chaud. Ah, non, et puis, à mon avis, ça commencerait par Goldman déjà. Ouais. Dans les F, il y aurait qui Frédéric François. Les Fine Young Cannibals. Oui, ça c'est bien. Les Fine Young Cannibals avec She Drives Me Crazy. Ah, bah c'est très bon. Très bon. Très bon choix. Alors, ça n'a rien à voir. Les deux, c'est complètement deux styles différents. Tu vas nous faire un défi mix avec deux titres. Mais il y a juste sur un bouton qui mixe le. C'est ça, ouais, voilà. Donc, c'est 88 pour Teardrops de Womack and Womack et 89 de She Drives Me Crazy avec. Non, de. Avec She Drives Me Crazy, des Finance Cannibals. Il y a beaucoup de beaucoup d'anglais là-dedans, hein, quand même. Allez, ouais. Au passage, notre ami Stéphane, qu'on salue et que j'ai eu le plaisir de encore rencontrer à Dunkerque. Ah, weekend, oui, je crois. Ah, il a suivi, il aime bien les hot chickens, et il a été avec son papa, et c'est un plaisir de le voir, ouais. Non, moi, j'adore les chicken wings. Ah, bah là, c'est poulet chaud complet, hein. Ouais. Bah, tu nous raconteras hot ça chickens. Juste après, alors. Allez, c'est parti. Yeah, fever for lost romance.

Voilà, et on s'était coupé là tout d'un coup. Oui, on était en pleine discussion sur Howard the Duck de tout à l'heure. 7 personnes quand même. Hein. Ouais, ouais, dans le canard, il y a eu en gros 6 personnes et une personne qui faisait la voix. Ouais. Voilà ouais. Pourquoi. Et c'est les personnes en fait qui incarnaient le canard qui ont eu un radis. Oui, hein. Un radis Award. C'est ah, oui, d'accord. Le Razzie, c'est le. Ruddy Award. Ruddy, ok, ça marche. Alors, je vous rappelle que nous sommes avec Marjorie Demullier, hein, qui est venue nous parler et nous faire une rétrospective de ce qu'elle a vécu. Alors, c'est pas fini, puisque c'est, finalement, c'est le premier épisode. Il y en a un deuxième. Il y en aura un deuxième, donc il y aura Ben deux fils l'apné, qui se fera au mois de mars. Et il y a quelques autres petits défis qui font entre. Qui vont mais tu peux pas nous en parler, hein, c'est ça qui est vache. Mais je peux pas, on m'a demandé de ne pas en parler, parce que. Et voilà, bah, faut que je tienne un peu le secret également, et puis ben c'est bien de mettre des choses sur le feu et puis ben, de faire mes jetés et puis. Mais oui, mais en plus nous on est contents parce que ça va nous donner le plaisir de te revoir. Ben voilà, tu vas mais nous je en pense reparler. Que maintenant si y a le prochain défi, de toute façon ben, toutes les personnes qui sont parties là sur Font-Romeu pour le défi extrême répondent présent. Mm-hmm. Donc ce sera apparemment les autres, enfin les mêmes qui viendront pour ce défi, et je vais certainement ben, prendre d'autres associations. Et leur permettre d'avoir aussi quelques petits bénéfices. Et puis, ben voilà, j'ai une idée des champions, enfin, des people qui a fait le défi avec nous, qui m'a parlé de faire Fort Boyard avec elle. Ah ouais, ah ouais, carrément. Au profit de son association pour les femmes battues et violences conjugales. Ben évidemment que je pourrais. Moi, ça me fait pas peur, le sol élastique, hein. Les araignées, les serpents, j'ai franchement pas peur de ça. Donc, ouais, moi, je réponds présente, quoi. Bah, ben, elles vont rien me faire. Ah ouais, ça fait qu'on pourrait te voir sur France 2 alors. Ah, voilà, on fera avec ce qu'on passe peut. Passe-partout. Ouais. Ouais, je m'appelle Passe-partout, mais moi je boite un peu plus quoi. Mais fais attention parce qu'il paraît qu'il met son nez dans les affaires des autres. Oh bah écoute, et ton bras sur une jambe raide quoi. Ouais, chacun son pied quoi. Non mais voilà, c'est super important de pouvoir. Ah, Fort Boyard, ce serait bien. Ah ouais, si tu faisais ça, moi j'adorerais. Moi j'ai pas peur. Enfin, ça me botte quoi. Dès que c'est un peu fou, je suis contente quoi. Ah ouais, sérieux? Bah non, moi quand même, j'ai des limites. Mais il pourra, il va rien m'arriver quoi, parce que ben voilà, ces serpents ou ces araignées ou ces blattes, quoi, elles vont pas me tuer quoi. Non, d'accord. Et pourquoi tu ferais pas Koh-Lanta? Mais je boite et je cours pas assez vite. Ah, mais d'accord. Parce que je m'étais ah ouais, c'est vrai qu'il y a des épreuves quand même. Non, mais je veux je sais dire, pas, je regarde jamais en fait, mais je si, le malin, moi mais j'ai suivi tous les épisodes, tout. Donc à Font-Romeu, ben, le vendredi, là, ben, j'ai suivi quand on a pu enfin gagner notre chambre. Et ben, je m'étais inscrite, hein, quand il y a eu Koh-Lanta à la base, c'était que des Français, que des Français. Et puis ben, je me suis, un jour, j'ai téléphoné. Et puis on m'a dit, ben, vous savez, vous êtes belge, quoi, ouais. Et... Ah oui, c'est vrai. Et puis l'année d'après, ils prenaient les Belges et moi, ça me tombait dessus. Donc je me dis, merde, quoi. Donc je pense que je vais faire un spécial Koh-Lanta pour personnes voilà, en situation ouais, de, pas, de, ouais. de handicap. Avec des épreuves adaptées. Mais exactement, oui. Enfin, c'est tellement mettre des barrières, c'est tellement empêcher des gens qui aimeraient voir vivre ce genre de truc. Non mais je pense aussi sincèrement, Marjorie, enfin, pour revenir sur ce type d'émission, c'est qu'on recherche aussi des caractères bien spécifiques. Et ben voilà, il faut que ce soit des gens, soit ils soient gueulards. Non, je ne suis pas certaine, parce que je vais te dire, Julie qui a fait le Koh-Lanta cette année. Ouais. Eh ben, un des champions la connaissait très bien. Il la voit très souvent et elle me dit c'est une nana qui a un cœur en or. Ah mais ça n'empêche pas. Et ben voilà, elle s'est fallu plusieurs fois parce qu'elle chantait, parce qu'elle était. Mais oui, mais voilà, mais c'est ça en fait. Mais c'est des caricatures aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Pas, moi je trouve. Hein. C'est des caricatures. Ben, hein, si un jour je devrais pouvoir le faire, ben j'aurais mes caractéristiques à moi de ben forcément d'aimer la vie. Et puis ben t'as une galère en même temps, tu sais pourquoi tu t'es inscrit là quoi. Ah ouais, non mais c'est sûr. Donc il y a pas de plainte quoi. Ah il pleut, bah ouais, mais en même temps tu sais à quoi tu t'attends quoi. Enfin, moi j'aime pas ce genre d'émission, mais bon, je trouve que c'est un peu. Non mais moi c'est une idée qui me trotte en tête de pouvoir peut-être un jour organiser ce genre d'événement. Ouais. Avec des personnes qui sont en situation de difficulté mobile ou voilà ou. Il faut le faire ailleurs. Voilà, j'irai peut-être pas dans les Philippines ou là-bas ou en Chine ou quoi que ce soit. Il y a de très beaux endroits en Belgique où on peut faire de très belles choses. Koh-Lanta, ça serait pas mal. Mais non, mais il y a Koh-Lanta. Il y a la mer du Nord, attends. Il y a la mer du Nord, bah, la flotte elle est un peu dégueu. Il faut pêcher si tu veux manger. Bah. Oh. Tu sors un poisson à trois lieux. Il y a plein de restos. Et toi, ouais, je vais aller manger. Et ben, toi, des crevettes sur la digue. On va aller à Malo. Mais pour te dire, voilà, il y a de très beaux endroits également en Belgique. Bien sûr, pour pouvoir faire un défi extrême. Je suis désolée. On était dans les montagnes, il y avait les chalets, on aurait pu très bien s'éclater. Mais on a fait ce qu'on a pu. On aurait pu prendre le télésiège. Ah ben non. On a fait avec, voilà, tel quel, on s'est inscrit pour un truc, ben on le fait complètement, on le fait pas. Alors, dis-moi, je change de sujet. Dis-moi, je t'écoute. J'ai vu de belles photos, de très très belles photos sur Facebook. Évidemment, ton défi extrême, ça c'est évident. Mais dans un endroit qui s'appelle le Chin Chin, tiens, dis donc. Ouais. Ouais, il y a eu un événement qui a eu lieu quand même. Il y a eu un événement ce week-end, ouais. Donc, je t'avoue, je suis rentrée à 5h30 au matin. Ah bah, dis donc. En sachant que j'allais chanter le lendemain matin pour le dernier concert gospel. Non, mais voilà, c'était pour l'association Rêve une étoile, tout était possible, de Béa, de Véro, mes topines. Et puis, certains chanteurs étaient là, donc Nolan, et puis il y avait des chanteurs que je connaissais pas encore. Le Toulé, là, comment il s'appelle, Fabrizio, qui était là. Non, mais je dis le Toulé, je le sais, parce qu'il m'énerve, il est tellement beau, ce mec. Si, il m'énerve. Non, il était là, et puis j'ai eu cette chance de pouvoir chanter avec eux le chant de la SBL, donc je suis très contente. Ah, ça y est, donc vous commencez quand même à le chanter. Voilà, on m'a proposé, là, il y a quelques heures encore, de pouvoir poser ma voix. Bien. Sur le générique, la musique de la SBL même. Donc je vais faire, donc je vais essayer de trouver un studio, mettre les chanteurs français dessus, donc il y aura Nono, Noël, et il y aura la mienne, des voix, donc ça c'était un peu la grande surprise, parce que ouais, j'écris pour eux, mais je m'attendais pas à ce qu'ils me demandent de pouvoir poser ma voix. Rappelle-nous le titre du single, ça va être donc Un rêve, une étoile, c'est ça ? Un rêve, une étoile, voilà. C'est ça. Ouais. Et tout est possible. Mais par contre, tout est possible, mais pas dans le titre. Mais tout est possible quand on le désire. Bah ouais, c'est bien. Donc voilà, moi, je le dis encore une fois, si t'as besoin de quelqu'un qui fasse du triangle pour. Je veux bien faire mon. Mais tu sais, on va prendre, je pense, toutes les mains qui sont tendues. Il faut jamais refuser une main qui soit tendue devant soi, jamais. Mais moi, je sais pas chanter. Mais par contre. Non, on a parlé de mains. Hein. Bon, allez. Mais c'est là où tu te plantes. Parce qu'on peut tout chanter. À partir du moment où tu chantes avec ton cœur, tu sais bien chanter. Ah, mais quand je chante avec mon cœur, ouais, d'accord. Les autres, on s'en fout. Ouais, les autres, ils ont des hauts le cœur. C'est parce que tu te mets des barrières à toi. Ah, mais voilà, ma barrière, j'ai déjà essayé. Maintes fois, j'ai pris des cours de chant, pour tout te dire. Mais moi, j'ai jamais pris de cours de chant de ma vie. Choriste. Bah ouais, mais après, c'est un talent qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais non, c'est quelque chose à travailler. T'as le don ici du micro d'être animateur radio, tout le monde ne peut pas le faire. C'est autre chose. Si, tout le monde peut le faire. Mais bien sûr que non. C'est la première fois que tu m'as demandé d'être là, je me dis, mais oh la vache. Mais non. Bah après, on est entre amis, on discute, c'est pas pour le faire. Ouais, c'est ni plus ni moins qu'une discussion entre amis. On est une bande de jeunes, on s'éclate, je pense que il faut arrêter de se mettre les barrières si t'as envie de chanter, chante. Exact. Mais j'ai déjà essayé, j'ai jamais envie. Si tu te lèves le matin, en ayant dans ton cœur ou dans ta tête, si t'as envie de chanter, tu es chanteur. Si t'as envie d'écrire, ou quoi que ce soit, d'écrire de la poésie dès le matin, au fond de toi, tu sens que tu dois faire. Ah, de la poésie, ça, je peux en faire. Eh ben, c'est que t'es poète, mais je pense qu'on a tous des dons. Mais chanter, et on peut tous faire des choses. Moi, le matin, je suis plus poète que poète. Eh bien, tu sais quoi, la prochaine fois que je chante, je t'invite dans la chorale et tu chanteras avec nous. Ah, tu vas être déçu. Non, moi pas, ce sera le groupe. Ouais, tu te fonds dans la masse, en fait, ouais, c'est bon. Je me mets dans le fond et je fais... Non, mais voilà, c'est you ça. Raise me up. Ouais, ben là, ce sera du gospel, mais le vrai. Ah ouais, avec plaisir, avec mais plaisir. Voilà, alors moi, ce que je te propose, Marjorie, parce que le temps passe mais trop vite, et c'est certainement parce que Marjorie est là aussi, tu vas nous parler des sorties Cinoche. Tu vas le faire en deux, trois... Alors, en deux temps, trois mouvements, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est là que notre ami va nous donner envie... ou pas d'aller au Cinoche. C'est ça. Moi, la semaine dernière, m'a donné envie. Marjorie, d'aller au Cinoche. Ouais. Ah, d'accord. et toi, Marjorie, toi, tu vas souvent au Cinoche ou pas? Mais la dernière fois que je suis allée au cinéma, c'est il y a 15 jours de ça, plus ou moins. Ah bon? C'était pour la SBL Kiara. Oui. Et c'était Les Rescapés de la vie. Ah oui, donc, mais c'est un film Oui, mais c'était un film quand même. Non, pas forcément. C'est un film qui parle du don d'organes, tout simplement. Ah d'accord, c'est et pas long, avec les parents qui sont devant un choix à dire ok, est-ce que je donne les organes de mon fils enfin ou pas, et puis ben on voit en fait le déroulement, donc on sait que le cœur il va être une personne, les reins vont être une telle personne. C'est un film français, c'est un film ouais c'est français, et moi il m'a donné franchement beaucoup d'émotions. Je sais que moi s'ils peuvent encore prendre quelques organes sur moi, je donne, que ce soit la peau, les os, quoi que ce soit, je donne tout. Moi je vais bien prendre ton sourire. C'est vrai, mais prends-le. Ouais. Mais parfois j'ai de l'herpès, ça fait gaffe. Ça, Flip Catch, t'avais dit de pas faire traîner partout. Non, mais voilà, mais je pense que c'est bien de regarder des bons films américains, des bons films, mais parfois aussi regarder des, des vrais absolument. Films. Absolument. Et celui-là, je veux dire, la salle était pleine et personne, voilà, ne s'est dit. Enfin, il n'y a personne qui a sorti de la salle en disant bah ouais, je vais peut-être finalement remplir ce papier parce que c'est bien de. Ouais. Tu sais, toi, le jour où t'es en galère et que t'as besoin d'un rein ou d'un cœur ou quoi que ce soit, t'es bien content qu'il y ait quelqu'un qui te le donne. Je suis d'accord. Mais il faut aller dans le sens inverse également, quoi. Ben oui, mais après, on va pas rentrer dans le débat, mais, non, mais comment voilà. faire, c'est ça le truc. Moi, je suis prêt à donner un organe. Ah ben, il faut aller à l'hôtel de ville et puis remplir le papier. Voilà, bon, je vais pas donner mon foie, ça servirait pas à grand chose, mais je peux donner. Non, mais voilà. Le cerveau, il sert pas à grand chose. Donc... Blague à part. C'est non, on parlait de film, ben voilà, c'est bien que ce genre de film. Tu es française les... Non, tu es belge. Ouais, voilà, c'est bien que ce genre de film passe dans le cinéma, c'est bien. Oui, mais. Pas juste dans une salle comme ça cachée ou voilà. Au-delà du film, c'est de se dire aujourd'hui, ok, on parle de don d'organes, mais on ne sait pas comment on doit s'y prendre. Enfin, voilà, et ben, tu vas juste à l'hôtel de ville et puis tu te demandes, tu vas à l'état civil, tu dis, ben voilà, j'ai décidé d'être donneur d'organes. T'as juste un papier à signer, ok, je donne mon... Oui, mais après, une fois qu'il t'arrive quoi que ce soit... Et bien après, c'est inscrit dans alors, il faut savoir qu'en France, si tu n'as rien précisé, tu es donneur d'organes d'office. Et dans les autres pays ouais, mais la famille peut s'y opposer, apparemment. Je pense. En Belgique ou en Belgique également, tu sais. Ouais. Maintenant, je dirais, t'arrives une galère en Espagne, par exemple. Ouais. Bah, à partir du moment où t'es sur le territoire espagnol, bah, d'office, ils prendront des organes. Sans consentement de ta famille. Tu es sur le sol espagnol, tu acceptes les règles espagnoles et on prendra tes organes si tu arrives. Oui, bon, après, moi ça. Et ta femme, tes parents, quoi que ce soit, n'auront rien à dire. Donc moi je me dis, le don d'organes est super important, que ce soit pour les enfants, les adultes, les ados. Ça doit être dans les deux sens. Mes gamins, moi, sont pour moi, le don d'organes. Moi je suis pas contre du tout. Hein, voilà, c'est comme ça. Ça ne dérange pas. Voilà, ça concernait le film qui passait au cinéma, donc Les Rescapés de la vie. Donc il faut voir, super important. Et bien peut-être qu'on va parler de. D'un film dans le même genre. Pas du tout. D'accord. Alors, non, moi pas du tout. Je vais pas vous parler de films où il y a des dons d'organes. Bon, malheureusement, je vais vous parler d'autres films qui sont peut-être un peu plus joyeux, on va dire, parce que c'est vrai que léger, le don d'organes, ouais, j'imagine. Ouais, un peu plus léger. Donc en cette fin d'année, je vais commencer avec la Belgique. D'ailleurs, ça sort également en France demain. C'est le film À fond. Avec José Garcia, Caroline Vigneault et André Dussolier. C'est un film de Nicolas Benamou. Donc, pour info, c'est celui qui avait fait Babysitting. Donc, c'est Tom et sa femme Julia qui embarquent dans leur monospace flambant neuf. Donc, au petit matin, afin d'éviter les embouteillages pour les vacances d'été. Bon, là, on est en hiver, mais bon, là, ça se passe en été. Donc, Tom enclenche son régulateur de vitesse sur 130. Au moment où une dernière bourde de Ben, donc le beau-père qui est joué par André Dussolier, pousse Julia excédée à demander qu'on fasse demi-tour. Tom s'aperçoit malheureusement qu'il ne contrôle plus son véhicule. La vitesse est bloquée à 130 km/h. Toutes les manœuvres pour ralentir la voiture emballée restent sans effet. Et donc le rassurant monospace se transforme soudain en bolide incontrôlable. Une voiture folle, 6 passagers à bord, au bord de la crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins de 200 km de là. Mmh. Donc ils vont passer de 130 à 160 km/h. Ça va être un beau bordel, franchement, sur la route. Enfin, déjà, à voir la bande-annonce, ça a l'air vraiment sympa. Et ils ont quand même des assez bonnes critiques. Donc, je vais te dire un truc, je l'ai vu ce midi. Ouais. Et j'ai trouvé ça, enfin, les programmateurs de télévision, je sais pas ce qu'ils font, ou ils sont intelligents ou pas, mais alors c'était quelle chaîne? Je pense que c'était C8, puisqu'on dit C8 maintenant. Oui, oui, tout à fait, c'est Canal, ouais. Et là, je me suis dit, mais ils réfléchissent les mecs ou pas? Juste avant, il y a donc une propagande pour les gars qui boivent trop, et donc il y a un petit clip qui est assez bien fait où t'as quelqu'un, on dit voilà, tu laisses partir quelqu'un qui a bu, tu es responsable, tu es machin, tu vois le truc, voilà, et puis il part dans la voiture et ensuite ils sont une quinzaine à dévaler une pente, machin, sécurité routière et tout ce que tu veux, et juste après, je te jure que c'est vrai, bande annonce pour À fond. Ouais, effectivement, là, c'est mal placé. Et là, je me suis dit, alors là, je suis tombé des nues, j'ai dit, alors ça, c'est trop fort, quoi. Ouais, ils réfléchissent un peu, enfin. Non, apparemment, non. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a marqué. C'est vrai que là, le placement de produit est mal choisi. Hein, mais... Ouais, non, non, mais bon, après, le film, vraiment, a l'air vraiment sympa. Regardez, c'est une comédie où on se prend pas la tête. Ouais, hein, c'est Speed à la version française. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, à part que Speed, ils étaient à 60 km/h, hein, normalement, avec le bus. Ouais. Donc c'est pas encore pareil, mais bon, là ça a l'air vraiment sympa. On voit à un moment André Dussolier en train de nettoyer le pare-brise à 130 km/h, il passe par la fenêtre, enfin ça a l'air d'être un beau bordel, quoi. Ouais, enfin c'est de la comédie française, je sais. Ouais, ouais, mais bon, mais en français, les Français sont bons en comédie, donc après alors, si, quand même. On n'est pas bon dans tout ce qui est effets spéciaux, à part Besson. On est mauvais. Qui s'en sort bien, ouais. Mais en comédie, je sais pas, enfin, dernière comédie française que j'ai vue. Comédie, je pense qu'on tient toujours la route, puisqu'il suffit de voir le nombre de tentatives, hein, de remake. pour citer, il y a même les ch'tis. Ouais, ça doit être qui... non, ah, par oui, les oui. Américains. Donc je pense qu'effectivement au niveau des comédies, on tient la route. Par contre, pour ce qui est non, action tout ça, on n'a jamais été, on n'a jamais. À part Besson. Oui, ouais, oui, c'est la seule exception. Avec des Américains, oui, alors, bah, donc, du voilà. Coup, ouais. Mm-hmm. Alors ensuite, je vais vous parler du film Tous en scène, donc qui s'appelle en Belgique Sing. Ça sort le 25 janvier en France. C'est un film d'animation. Ah oui. Avec donc pour les voix françaises, il y a notamment Patrick Bruel, Jennifer et Laurent Gérard. C'est un film de Garth Jennings. Et donc c'est Buster Moon qui est un koala qui dirige un grand théâtre aujourd'hui tombé en désuétude. Il cherche à redorer le blason de son théâtre. Et pour ça, il a décidé d'organiser une compétition mondiale de chant. Et donc, il y a 5 candidats qui sont retenus pour ce défi. Il y a une souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui ne cherche qu'à échapper à sa famille, et une porc-épic punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l'ego surdimensionné pour faire une carrière solo. Donc tout ça, bah, là aussi, ça va être un beau bordel, hein, je crois, dedans. Ouais, donc tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l'opportunité qui pourra changer leur vie à jamais. Voilà, bon, un petit film d'animation bien sympa pour les fêtes de Noël. Ouais. Ensuite, sort également en Belgique et en France le film Assassin's Creed. Donc là, c'est avec Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons. Ouais. C'est un film de Justin Kurzel. Alors, j'en ai entendu des critiques qui sont bonnes, parce que c'est tiré d'un jeu vidéo d'Ubisoft. Ils en ont fait un feuilleton aussi, ou je rêve. Non, alors ils en ont fait... Arrow, c'est tiré de ça. Ah non, pas du tout. Ça y ressemble quand même. Arrow, c'est un DC Comics. Ok. C'est des comics. Là, Assassin's Creed, c'est vrai. Donc, Assassin's Creed, en fait, là, ça se passe donc au temps présent. Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, Callum Lynch, donc, qui est joué par Michael Fassbender, revit les aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du 15e siècle. Et donc, alors que Callum découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète qu'on appelle les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable organisation, l'Ordre des Templiers. Donc tout ça, c'est tiré des jeux vidéo, et les jeux vidéo sont très bien faits, il y a vraiment ce qu'on appelle un background, donc il y a vraiment une trame de fond, une histoire. Oui, j'ai déjà vu, c'est très bien fait. Et ouais, les jeux sont très bien faits, c'est assez réaliste et tout ça, et le film apparemment, bon, c'est toujours compliqué quand on fait un jeu vidéo, quand on tire un film d'un jeu vidéo, c'est qu'il faut plaire au grand public, tout en gardant l'univers qui est déjà connu des joueurs. Donc il y a toujours une partie qui aime moins bien que l'autre. Et là, apparemment, ils ont quand même réussi à faire un bon compromis. Et ensuite, je vais finir avec le film Joyeux... Danny Boone ? Non, Joyeux Bordel. Ah tiens, j'adore. Qui sort donc, en France et en Belgique. Donc c'est avec Jennifer Aniston, Jason Bateman et Olivia Munn. C'est un film de Will Speck. Et donc, c'est à la tête de l'entreprise familiale, Carol, donc, qui est jouée par Jennifer Aniston, menace de fermer la branche dirigée par son frère Fêtard et son équipe de bras cassés, donc un peu comme nous ici, qui pense plus à s'éclater qu'à faire... parle pour toi. Parle pour toi. Qui pense plus à s'éclater qu'à faire des bénéfices. Il n'en fallait pas plus à ce dernier pour qu'il leur fixe une ultime mission, organiser dans les bureaux une soirée de Noël totalement épique et hors norme, afin d'impressionner un de leurs plus gros clients, convoiter et signer un contrat qui pourrait sauver leur boulot. Et alors ça va partir en cacahuète, mais alors en cacahuète géant, hein. C'est un truc de fou, il y a un piano qui va passer par la fenêtre, un gars qui va s'éclater. Mais c'est du very bad trip, mais poussé à l'extrême. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais. Non, ça peut être sympa. C'est vraiment la grosse comédie où il y a vraiment plein de gags. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit, il faut que je le voie. En plus, c'est pile pendant la période de Noël, je trouve ça excellent, quoi. Ah bah de toute façon, c'est pas pour rien qu'on Joyeux Bordel, c'est un petit clin d'œil à. Je crois qu'aux États-Unis, c'est Merry Shit. Je sais pas. Je connais. J'ai pas vu. Mess. Non, pas shit. Mess. Mess. Merry Mess. Et il y a. Pas Merry. Joyeux. Ouais. Ouais, si tu peux le traduire. Ouais, ou Merry Christmas alors. Merry fucking Mess. Mais et il y a aussi un film qui sort, un film d'animation. Là, je l'ai pas noté, mais c'est Norm. Ouais. C'est un ours blanc, un ours polaire, qui est obligé de quitter sa banquise parce que il y a des problèmes climatiques et tout ça. Et il part à New York et c'est doublé par Omar Sy. D'accord. Un ours blanc, c'est un noir qui double par un black. Bah ouais, effectivement. Bon. Pourquoi pas, hein. C'est un petit clin d'œil rigolo, quoi. Bon, Marjorie, est-ce qu'il t'a donné envie d'aller au Cinoche? Ouais, bah pourquoi pas. Tu irais voir quoi? Certainement l'ours, pour être sympa. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, je crois. Norme. Okay. Ah ouais, d'accord. Ça pourrait être sympa, juste pour le fun, quoi. C'est parce que voilà, tu parlais d'ours blanc représenté par un black. Nous, on a dû chanter Noël blanc avec un chef de chœur black, quoi. Donc, c'était sympa quand même. Oui, non, mais bien sûr, je sais bien, mais. Juste pour le fun, quoi, ça pourrait être sympa. Ah ouais, non. Flip 4. Le film précédent, là. Joyeux bordel. Ouais, puisque tu disais que c'était dans la lignée de Very Bad Trip. Ouais, ah oui, ça. Oui, ça j'adore. Par contre, ouais, j'adore. J'ai envie de voir des trucs. Il faut qu'il s'arrête maintenant, parce que le troisième c'est bon. Oui, oui, oui. On a fait le tour, mais. Non, voilà, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ce qui sont si noches, très franchement, bon, c'est peut-être difficile. Hein. À part, si, mardi dernier, tu m'as donné envie d'aller au Cinoche, j'en avais entendu parler, la fameuse. J'aime bien ce qui est SF, Action, ou alors les trucs. C'était lequel alors? C'était Premier Contact aussi. Donc c'est ça, ouais, sur les extraterrestres. Voir, oui. C'est par rapport à une histoire qui s'est passée dans l'Arizona en 97, les Lumières de Phoenix. Alors, il y avait déjà eu une première mouture que j'ai vue. Début, ça commence bien, mais dès le milieu de l'histoire, ça pue, quoi, parce que ça devient complètement délirant. Et là, je pense que ça tient la route, c'est pas mal. Et toi, Cindy, qu'on n'a pas encore entendu, tirer voir quoi? Excusez-moi, parce qu'elle est un sourd des muettes. C'est le silence des muettes. Alors, elle irait voir. D'accord, à fond alors. Joyeux bordel. Ah, ok. Ça marche. Ouais. Et ben moi, il n'y en a aucun, hein, franchement. C'est vrai? Bon, allez, joyeux bordel, mais je doute que ce soit dans la même lignée que Very Bad Trip, franchement. Ouais. Je doute un peu quand même, mais bon. Ouais, bon, à voir maintenant. Bon, ce que je te propose, on y va. Si c'est bien, on t'en fait part de toute façon. Si c'est pas bien, t'en feras part, mais tu nous rembourses la place dans ce cas-là. Après, écoute. Va le lundi, c'est moins cher, là. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ouais, écoute. Ah bah, on fait comme ça. Ça marche? Bon, ok, bah ça marche. Mais ouais, on sera juste. Si c'était bien, on te le dira. Si c'était merdique, on te le dira aussi. Mais si c'est bien, ils paieront une place de cinéma. Attends, faut que ça reste cool quand même. Ben, non, en fait, on suit ses conseils, donc. Mais justement, faut payer les intérêts. Pas pour toi, tu suis ses conseils. Non, mais difficilement, d'habitude. Les films des années 80, quand tu dis, ouais, oh, tiens, je vais revoir ce film-là. Te laisse pas faire, ils veulent te prendre le fric, là. Bon, non, mais je sens de toute malheureusement façon Marjorie, que... parce que, bah, ouais, le temps passe très vite, malheureusement. Et, on a tellement d'informations à passer, on les a pas forcément toutes passées. Godspell for Life, prochaine date ou pas? Ah ben là c'est fini, on a eu fini la dimanche. D'accord, mais ouais, ça va. Ouais, attends, ils ont officiellement... chanté devant la princesse et tout ça, c'est dingue. Ouais, il y a officiellement une nouvelle tournée l'année prochaine. Ah bah ben voilà, ça donc c'est pas princesse c'est pas de Belgique. Et, ouais, parce que j'aimerais vraiment venir te voir et c'est vrai que bon bah là où tu as joué, les moments où tu as joué, c'est un peu compliqué pour nous, mais on aimerait bien te voir dans Godspell for Life parce que en plus j'adore ça donc forcément il y a plein d'actualités. Alors il y en a une, je vais vous en parler rapidement, mais on vous en reparlera évidemment la semaine prochaine. C'est que le 14 janvier donc à l'Amicale du Crétinier, il va y avoir donc le concert du Nouvel An de la Rétro Fanfare. Vous vous rappelez quand même de nos amis de la Rétro Fanfare, avec une belle soirée. Alors là où il va y avoir plusieurs artistes qui vont se succéder, il y a évidemment la Rétro Fanfare puisque ce sont les Get Star bien évidemment, mais il y aura aussi Bankster, donc une nouvelle formation qui vient de se faire dans Variété Française, qui seront là, et un certain Canon. Canon, bah ouais, Dom le chanteur, je crois. Dom le chanteur, ouais, il se fait appeler Dom le chanteur, voilà. C'est donc, pas envoyé, donc c'est hein, mon présent, je m'appelle Dom. Ouais, c'est ça, je m'appelle Dom, et je veux que les filles courent après moi, machin. Non mais donc voilà. Donc c'est le 14 janvier. C'est le 14 janvier. Ça se passe donc dans le quartier du Crétinier, donc à Waterloo. Vous allez voir l'info. Moi je l'ai partagé sur la page de Harry. Si ma mémoire est bonne, sinon je le referai. Mais il y a très très peu de place. C'est gratuit, mais s'il y a très peu de place, il faut réserver impérativement. Il y a un numéro de téléphone. C'est gratuit, ça se passe le 14 janvier, c'est le nouvel an de la rétro-fanfare. Croyez-moi, il va y avoir de l'ambiance, ça fait la troisième année qu'ils le font, et y a de plus en plus de monde, et ils sont obligés de même de refuser des gens, parce que voilà. Et donc là, d'autant plus qu'il va y avoir Canon, vous imaginez, il va y en avoir de la vieille. J'aime bien, il est pas là, moi j'ai le casser un peu. À la chaîne Morue. Et, Marjorie, si tu ne fais rien, viens faire un petit coucou du côté de Waterloo, c'est pas très loin. Le 14 janvier, au soir. Et vraiment, il y a c'est un bel événement, un bon concert. Et puis, si tu aimes l'ambiance festive, les cuivres, il y a même du. Trompette, attention, il y a de la pointure. Hein. Ouais, on verra. Et puis, si tu aimes Canon. Bon, écoute, c'est un pote, quoi. Non, on est d'accord. Si tu chanteras peut-être You Raise Me Up. Et si tu m'aimes, je présente, on va présenter, on aura le plaisir de présenter donc, la soirée. Donc voilà, c'est assez festif, c'est assez familial. Donc c'est le 14 janvier, mais on vous en reparlera. Et peut-être qu'on aura la chance de faire venir les organisateurs. Je pense à Reynald, d'ailleurs, qui est le président. Non, il n'est pas président. De la rétro-fanfare, si. Non, c'est Lorraine. Lorraine qui est présidente de la rétro-fanfare et Reynald qui organise tout ça, qui est plutôt le responsable artistique de cet événement. J'espère que vous y serez aussi. Voilà. Le 14 janvier. Okay. Donc c'est un samedi, je crois. Mm-hmm. C'est un samedi, voilà. Donc voilà. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Alors, pas pour moi. D'accord. Pas pour moi non plus. Non. On sera trois. Il y aura Onissa, toi et moi. Donc Onissa tiendra la chandelle dans, entre nous. Dans le même Bermuda. Bah, écoute. Et l'amour. Et bah oui, bah on va se prévoir un petit truc parce que effectivement la semaine prochaine c'est la fin d'année. Ouais. Donc si j'ai le courage, même toi et aussi toi, hein, Flipkat, si vous avez le courage d'aller récupérer un peu des vieux extraits, parce que c'est un petit rétrospectif sur des anciennes émissions qu'on a faites, avec les bons petits gags, on a eu des bons fous rires quand même cette année, parce que l'année va se terminer, évidemment, on a vécu quand même pas mal de belles choses ensemble, Marjorie en fait partie, et, si on fait un best-of, elle en fera partie aussi, je pense. Merci. Reprendre un peu tous les artistes qu'on a reçus et puis quelques petits extraits en se disant tiens, vous rappelez, on avait parlé de ça et puis si on arrive à le faire d'ici la semaine prochaine, on se le fait, sinon on se fera tout simplement une émission en tête à tête. C'est ça, ouais. Ça me fait penser à quelque chose que Conny s'aime bien, c'est le Club Dorothée. Il faisait un jeu comme ça, le tête à tête. Oui, c'est ça. Eh ben, on peut se faire ça. Mais oui, on peut se faire ça. Les tartes à la crème, savoir qui c'est qui va s'en prendre sur la figure. Pas très radiophonique. Donc, et puis pourquoi pas en primeur, je sais pas, un petit bonus, une petite interview peut-être. De Lee John. Oui. Salaud. J'ai entendu la fin de l'émission pour la placer. Ça marche. Marjorie. Merci à vous. Non, merci à toi. Merci pour ta force de caractère. Bah maintenant mon prénom c'est Musculator. Ah bon? Monsieur comment? Musculator. Ah j'ai cru Musculator. Ah bah écoute. Non mais merci à vous en tout cas pour votre accueil, votre gentillesse et puis passez de super bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr toi aussi. Et t'es toujours la bienvenue bien entendu. Bah écoutez, ça tombe pas dans l'oreille d'une blonde donc c'est bon. Je reviendrai. Mais t'es de moins en moins blonde je trouve. C'est parce que je deviens de plus en plus intelligente. Ah c'est ça. Il y a des lueurs d'espoir, je vois des mèches brunes. C'est la mèche, écoute. Rien n'est impossible à celui qui croit. Bon, on va se quitter en musique, évidemment. Merci beaucoup, avec, je sais pas. Eh ben, avec Ottawan et T.O.K., parce que tout à l'heure, tu me parlais de Flipkat qui disait T.Bat. Eh ben voilà, avec T.O.K. de Ottawan. Et un petit You Raise Me Up. Ah non, ça, je l'ai pas, malheureusement. Mais malheureusement ou heureusement. Ah, on se quitte là-dessus, il n'y en a pas un deuxième. Ah, tu veux un deuxième titre? Ah, ouais, je veux un deuxième. Ah, oui, bah tiens. Marjorie, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Dans les années 80. Dans les années 80, mais attends, j'étais très jeune moi à ce moment-là. Bah, moi aussi. Mais moi aussi. On était tous jeunes. Fais-toi plaisir. Ah non, elle va dire Patrick Bruel, c'était gentil. Ah non, c'est bon, alors, il a entendu crier pendant 15 ans lui. Non, moi j'aime beaucoup Whitney Houston. Ah oui, Whitney Houston. Si, j'ai. Ça s'appelle comment ce chant De Whitney Houston. One Moment in Time. Ouais, ok, d'accord. Ce chant, je l'aime beaucoup. Et on danse à deux, Marjorie. Bah écoute, si tu veux, mais ce sera sur une jambe, à mi-temps. Ce sera un pole dance pour toi. Non. Donc Ottawan, Ottawan avec Théo Kay et Whitney Houston avec One Moment in Time. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Allez, ciao, ciao. Bisous, Charlotte. Bisous, Flip 4 à la semaine prochaine. Ouais, bisous. Et puis, bah, non, pas la semaine prochaine, hein, je serai en Angleterre. Ah, pardon. Bon, on se fait une petite. Désolé. Ouais, mais... pas de problème. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Time. no time for less. I've laid the plans, now lay the chance. Here is